Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle pastille news, on a décidé de vous parler de plusieurs trailers. Alors aujourd'hui, il sera question de Marvel, de plusieurs mangas, quelques avis sur plusieurs séries. Et on terminera par un petit hommage à Stan Lee. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On commence par un premier trailer qui est paru récemment, vendredi on va dire, sur le net. Il s'agit donc de celui de Avengers 4, le titre c'est Endgame. J'ai pas un accent très beau en anglais, mais je pense que ce sera compréhensible. Donc le film des frères Russo, la suite de Infinity War. Alors moi j'ai rigolé parce que quand j'étais sur un site québécois, c'est-à-dire que les Québécois ils ont tendance à traduire tout ce qui est. Donc là c'est ça fait Avengers, la guerre de l'infini. J'ai trouvé que c'était assez classe finalement comme titre. Petite anecdote comme ça en passant. Donc on retrouve au casting Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Karen Gillan aussi qui est là. Puis Chris Hemsworth, c'est toute la clique quoi en fait, avec un premier épisode qui était assez sombre. Que bon, on va pas revenir dessus, mais moi j'ai trouvé ça assez moyen. Il y a ce trailer, on va dire que c'est plus un teaser. Ça remonte pas beaucoup. Il y a une scène avec Tony Stark qui est assez poignante, moi je dirais. Après c'est les habituels. Ils commencent déjà de réfléchir à l'avenir et de construire un peu leur plan pour savoir ce qu'ils vont faire contre Thanos. Et puis à la fin, on a l'intervention de Ant-Man, ce qui confirme un peu certains spoilers, on va dire. Mais moi, j'ai exposé mon point de vue et je te laisse la parole maintenant. Je vais te rejoindre sur ton point de vue. La première scène avec Stark qui parle à son casque, qui fait complètement penser à Hamlet, donc c'est-à-dire qu'il se remet complètement en cause sur son devenir. Donc en détresse dans l'espace, apparemment. Parce que c'est vrai que son vaisseau, il avance pas vite à Stark. C'est le Milano, c'est le vaisseau de Star-Lord. C'est le vaisseau qui a été donné par les Ravageurs à Star-Lord, il me semble, de mémoire. Faut dire, on va spoiler un petit peu, mais il faut dire que, en fait, quand le combat sur Titan, il reste que Stark et Nebula, en fait. Dans cette histoire-là. Ouais, on les voit dans le teaser, on les voit pas ensemble, mais on voit Nebula caresser quelque chose qu'on suppose un plastron de Stark. Moi j'ai reconnu ça. Et après, on voit donc Stark parler à son casque parce que il doit se sentir bien seul dans cet univers. Donc on sait pas s'il parle au casque ou s'il laisse des messages parce qu'il sent qu'il va mourir à Pepper ou des trucs comme ça. Sachant qu'en plus, il a aucun moyen de savoir si elle est encore vivante ou pas. Parce que dans Avengers, le dernier, on n'en sait pas sur Pepper Potts. Il faut dire pour le personnage, ça n'avait pas le coup de s'y attarder. Et là, dans la plus sombre, donc Avenger Endgame. Endgame, dans une partie d'échec, c'est quand tu es prêt à prendre le roi. En fait. Donc c'est ça, c'est l'échiquier qui se met en place dans l'univers Marvel et ça va être le combat final. C'est vraiment le dernier film d'une longue période de 10 ans de MCU avec des héros qui nous ont divertis quand même. Il y a eu du bon et puis il y a eu du moins bon aussi. Dans l'ensemble, moi je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer. Là on n'en voit pas trop, mais il y a beaucoup de spoilers qui circulent et on s'étalera pas dessus. Ce qu'on veut dire c'est que comment que ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir le droit à un gros CTRL Z de triste mémoire comme dans Superman 4 par exemple? Après t'as les frères Russo qui ont dit qu'il n'y aurait pas de voyage dans le temps. Bon, sachant qu'ils avaient dit que le titre ce serait pas Endgame non plus. Donc faut se méfier des frères Russo et de leur déclaration. Pas de voyage dans le temps. Les frères Russo sont assez spécialisés pour essayer de mélanger un jeu qui est déjà distribué d'avance. Ils brûlent les pistes. Ils essayent de brouiller les pistes, mais on n'y croit pas trop. Hein, parce que on voit par exemple Captain America qui regarde la photo de Peggy Carter. Donc je suppose qu'il va avoir un lien avec les deux personnages qui vont se retrouver, tu sais, pour faire la boucle et boucler de Captain. Après, il y a Scott Lang qui arrive des années après, alors qu'il semble tout frais. Donc lui, je pense qu'il va passer dans un vortex temporel et il va arriver les années plus tard après la baston pour essayer de montrer qu'il a trouvé quelque chose dans le royaume quantique ou un truc dans le genre, tu vois. T'as raison, on spoil un peu parce que ça c'est un peu des rumeurs, c'est qu'il y a vraiment une implication du royaume quantique, c'est-à-dire que les pierres d'affinité n'auraient pas de conséquences sur tout ce qui est mis vraiment à une dimension subatomique quasiment, et ce serait un peu ça le principe. On sait qu'il va y avoir des facilités, ça c'est évident pour moi, il y aura des facilités. J'espère qu'ils vont savoir terminer une histoire comme ils l'avaient si bien commencé. Bon, après elle risque d'être bâclée parce qu'il y a pas beaucoup de temps pour parler d'une truc qui ferait normalement une saga quoi. Le temps de tout remettre à zéro, enfin de faire le gros CTRL Z à Superman 4, je pense que c'est ce qui va arriver dans le film. C'est ça. On n'y échappera pas. Par contre, moi dans la bande annonce, j'ai excellemment bien aimé le fait qu'on nous montre pas Captain Marvel. Oui, c'est un gros point fort. Et d'ailleurs quand on parle de Captain Marvel, on peut peut-être enchaîner sur le nouveau trailer de Captain Marvel. que tu veux savoir. Ce que tu es vraiment. Alors, trailer de Captain Marvel qui nous montre un Captain Marvel qui va faire plaisir aux fans des comics parce qu'on la voit avec sa coupe iroquoise, en fait. Et ça, c'est assez marrant de voir ce truc assez années 90 à l'agence touriste alors qu'elle est en train de se bastonner dans l'espace en combinaison. J'adore le terme iroquois, l'espèce de, comme tu dis, c'est la combinaison gris, quoi. Tantôt elle est verte, puis après elle est un petit peu plus claire avec ses couleurs. On en voit un peu plus du côté cosmique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les Skrulls sont vraiment les gros vilains du film. Il y a l'implication de Samuel Jackson qui n'a pas encore perdu son œil, et puis c'est un film assez dynamique. Et moi je trouve que ça apporte un petit peu de renouveau dans cet univers parce qu'on est beaucoup sur Terre, et là hormis les gardiens de la galaxie quand même, mais là on a vraiment une dimension cosmique avec l'Empire Kree, les Skrulls, et puis une super héroïne qui est ultra puissante Bon, attends, je vais t'expliquer. En fait, ouais. Cette super héroïne, c'est le Sangoku du monde MCU. Parce que quand tu le vois se transformer avec son énergie, avec les cheveux qui vont en l'air et qu'elle est dorée et tout, ça fait penser au Super Saiyan Sangoku. Donc ça m'a fait assez rigoler. Et en fait, ses pouvoirs, apparemment, visuellement, ça m'a fait carrément penser au monde quantique, ses pouvoirs. C'est-à-dire que tu es dorée comme dans le monde quantique, comme Janet Van Dyne quand elle est dans le monde quantique et qu'elle déverrouille la cervelle à Hank Pym. Voilà, tu vois, c'est la même énergie, la même truc. La même image artistique de l'énergie, donc je pense que ses pouvoirs vont avoir rapport avec le monde quantique. Attends, c'est pas Hank Pym, je crois que c'était Ghost qu'elle répare le cerveau de. Mais non, Hank Pym est en train de péter un câble dans Ant-Man 2 parce que. Ant-Man 2, parce qu'en fait, il est dans le monde quantique depuis trop longtemps et tu peux pas y rester très longtemps sans péter un câble. Et elle lui met les mains sur la tête, puis elle le reboot. Ouais, j'avais un peu oublié, il faut un peu m'excuser parce que ce film, j'avais pas trop apprécié. J'avais trouvé que c'était quand même l'un des pires Marvel, mais. Mais juste, tu vois, ce passage-là, ça permet de. Enfin, c'est bizarre, le visuel des pouvoirs, c'est dur à dire, pouvoirs de Janet et de. Des pouvoirs de Captain Marvel, c'est les mêmes que Janet en puissance 1000, quoi. Ouais, bon, Captain Marvel, pour les fans qui connaissent beaucoup, mais c'est pas non plus un super-héros qui a été très populaire, je pense, en France. Et là, c'est vraiment une découverte pour moi, ce personnage. L'Empire Kree, les Skrulls, on les connaissait parce que il y avait l'histoire avec les 4 Fantastiques, surtout. Avec le super Skrulls qui peut prendre tous les pouvoirs des super-héros, qui peut absorber tous les pouvoirs. J'espère que ce sera le cas aussi. Puis, il y a cette espèce de show, là, qui est un peu bizarre à la fin de la d'annonce. Je sais pas ce que t'en penses de ce show, là. Il y aura peut-être une implication dans... Alors moi, je me suis demandé pour faire un troll, si c'était pas un Skrulls qui était déguisé en Matou, mais bon. Bah, ça se pourrait, parce que les Skrulls, ils sont aussi cheatés que Hulk, c'est-à-dire que Hulk, il garde... Enfin, je veux dire, il triple et quadruple sa masse, et un Skrull, en fait, c'est comme Mystique, ça pourrait réduire sa masse... au minimum à la taille d'une araignée si ça veut Skrull. Par contre dans l'univers de la BD ce qu'il faut dire aussi c'est que Carol Danvers surtout Captain Marvel ils ont un animal de compagnie qui est sous la forme d'un chat que quand il se déplie ça fait un truc à The Thing en fait. C'est un peu pompé sur l'histoire du chien qui se casse en plusieurs morceaux pour avoir des tentacules et tout ce que tu veux quoi. Il y a un côté Lovecraftien dans l'affaire. Ouais, moi je suis plus pressé de voir Captain Marvel que Avengers 4 en fait. Moi je suis pressé autant l'un que l'autre. Je suis pressé de voir Captain Marvel, comme tu le dis, pour se vendre fraîcheur, ça va faire du bien, ça va nous changer un peu l'univers. Puis c'est quand même marrant de l'avoir tabassé une vieille, ça fera une retraite en moins payée. C'est vrai qu'elle est pas mal cette scène dans le métro. Et puis après Avengers 4, mais juste pour voir comment ils arrivent à finir ça sans en essayant de pas trop le torcher, parce que ça va être dur quand même à pas le torcher. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'humour dans Captain Marvel que dans les autres qu'habituellement que dans les autres trailers où on te balance des vannes de tous les côtés. Alors là, le comic relief dans Captain Marvel, c'est Fury. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que Jackson, il est quand même un personnage assez sérieux. Puis là, ça va être le sidekick comme on dit dans. Comme on dit, je peux parmi les geeks. Ouais, ça va être le sidekick de Marvel, quoi. Il va être là pour apprendre de ce grand héros qui est Captain Marvel. Par contre, dans le trailer, moi j'aime bien, c'est que on nous montre pas les Skrulls comme un. Enfin, si c'est. On sait pas s'ils sont pour là pour nous envahir ou pas, parce qu'ils se fondent dans la masse. Mais quand tu regardes quand elle a la tête en bas et qu'elle a un nouveau costume, et qu'elle se fait asperger le cerveau avec des rayons ou de l'électricité ou je sais pas quoi, celui qui tient la machine, c'est un Skrull. Donc on sait pas s'il est en train de la torturer ou s'il est en train de lui remettre ses souvenirs à zéro parce qu'elle a été enveloppée dans l'Empire Kree. Ah oui, c'est la scène où il y a l'espèce de lavage de cerveau. Ouais. Je pense que il y a un truc peut-être, c'est que Carol Danvers, elle a été recrutée par la Star Force et ils veulent tout simplement lui effacer ses mémoires de Terrienne, quoi. Ah, moi, je pense plutôt que... Non, parce qu'en fait, dans cette scène-là, on voit bien que c'est le Skrull qui a la machine. Et moi, je pense que le Skrull, il sent le danger arriver de Carol Danvers. Mmh. Et quoi de mieux que pour affaiblir un ennemi que de le rendre encore plus humain, donc lui rendre ses souvenirs. D'accord. Ouais, ça se pourrait très bien aussi, c'est une bonne théorie. Voilà quoi, tout ce qu'on pouvait dire. Bon, bah, je rappelle sommairement un peu les acteurs quand même. C'est Brie Larson qui sera le rôle principal avec le Samuel Jackson, qui j'espère sera quand même meilleur que dans King Kong qu'on a vu il y a pas longtemps. Ah, pire que dans King Kong, tu crois que c'est possible? Non, je pense pas. Et Jude Law aussi donc, au niveau de. Alors, il était question qu'il incarne le premier Captain Marvel, Jude Law. Ben Mendelsohn. Alors, Ben Mendelsohn, il va incarner le commandant Skrull, excuse. Et Ben Mendelsohn, on l'a vu plein de fois, on l'a vu notamment. Notamment, bah toi tu sais pas si tu te souviens du personnage de Krennic dans Rogue One, c'était lui qui le jouait en fait. On va passer à autre chose si tu veux bien, et tout de suite on va parler du Roi Lion. Le Roi Lion, donc une grande saga, quelque chose de culte. Ben... Ah si, c'est culte, hein, ça a marqué son époque, le Roi Lion. Hein. C'est le premier. Ouais, je peux parler, ouais. L'un des premiers films Disney où c'est plus manichéen. Il n'y a plus le bien, il n'y a plus le mal. Mm-hmm. Ça devient plus compliqué. Mais après, je te parlerai. Là, je te relaisse la parole, parce que je t'ai coupé à la Fabien. Ah, c'est brutal, hein. Et puis après, je te parlerai aussi du rôle psychologique des héros du Roi Lion. Ok, non, c'est parce que je voulais dire que bon, le Roi Lion, c'était sorti en 94, que ça faisait partie du top 5 de mes Disney préférés. Et puis, surtout, beaucoup de succès à l'animation, une histoire assez émouvante avec l'Odyssée, je vais dire, de Simba. Moi, j'ai beaucoup aimé la bande-son, surtout les chansons d'Elton John, que ce soit aussi celle de Jimmy Cliff, le Hakuna Matata. Makata, je sais plus. Répète après moi. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ouais, c'est ça. Donc, ça me rappelle de bons souvenirs. Et puis, quand j'ai vu ce trailer, bon, je me suis dit, ouais, c'est bien fait, mais quel est l'intérêt de faire un film live de... De toute façon, il n'est pas le seul, parce qu'il y a une politique un peu opportuniste de Disney en ce moment. C'est-à-dire que rien que l'année prochaine, il y aura 3-4 films de classiques, je veux dire, des animés Disney, qui vont être bootés. Alors, on a Dumbo, on aura Aladdin, et puis il y aura même Mary Poppins, et puis un autre personnage, dont j'ai oublié le nom. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cet opportunisme à la Disney Ça peut être bien et ça peut être pas bien. Malheureusement, là, je pencherai plutôt pour la deuxième. Moi, franchement, ça m'intéresse pas du tout, mais alors du tout, d'aller voir un remake fait avec des images de synthèse d'animaux. En plus, je pense qu'on va perdre en fraîcheur, parce que ça va être plus réaliste, vu que les animaux sont plus réalistes. Donc c'est un peu dommage, parce que le Roi Lion, tu vois, t'avais une certaine candeur quand tu regardais ça, parce que c'était quand même assez enfantin, et pourtant, les termes abordés étaient quand même très adultes, donc c'est quelque chose que je pense, cette candeur va être totalement perdue avec ce live. Un peu comme ils ont fait avec La Belle et la Bête, à rendre à tout prix, à nous bourrer dans le mou. Et regardez, La Belle, elle est très intelligente, elle s'est inventée des machines à laver. Mais c'est une femme, alors elle doit rester à sa place. Et puis le sidekick du méchant, c'est pas vraiment un méchant, il est gay, c'est parce qu'il était amoureux de son... Enfin, tu sais, des messages qui passent pas du tout quand on l'enfonce, ça coûte pelle dans la gueule. Tandis que dans Le Roi Lion, l'homosexualité, la monoparentalité étaient très bien exprimées. Et pour finir, ça gâchait pas le film si t'avais pas compris le thème. Moi, je parlerais aussi de cette opportunité, c'est-à-dire que, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est parce qu'il y a déjà deux films live sur Mowgli, produits par Disney. On en a eu un en 2016, et là, il y en a un qui est diffusé sur Netflix. C'est-à-dire, ils vont faire un film sur Mowgli tous les ans, je sais pas, moi, ils peuvent pas adapter d'autres contes, refaire un petit peu de... Parce que là, on a une submersion de remake, de reboot, et de... Il n'y a plus aucune créativité, quoi. Moi, je me répète, mais c'est quand même inquiétant, quoi. Bon, en fait, la créativité, c'était quand Mowgli est sorti, hein. Quand Le Livre de la Jungle est sorti, c'était original, c'était créatif, c'était frais. C'était des dessins animés parce qu'on avait des limitations techniques à l'époque, mais comme quoi... Ces dessins animés suffisent à eux-mêmes, en fait. Quand tu regardes La Belle et la Bête, ça suffit à lui-même. Fallait pas en faire une suite. Comme ça, live, pas une suite, quoi. Fallait pas le faire en live. Je vois pas l'intérêt. Et puis là, pareil pour Mowgli, quoi. C'est des trucs qui suivent pour eux-mêmes, quoi. Ils ont pas besoin d'avoir un reboot et un préquel. Donc ils comptent, en fait, sur les images de synthèse pour réattirer un public. Et aussi pour se faire les nostalgiques qui sont assez cons pour aller voir ça. Ouais, je crois que c'est un peu sur le même modèle que Star Wars, c'est toujours les nostalgiques. Tu savais que leur Roi Lion, il était un peu sous coup d'une histoire de plagiat, parce qu'apparemment c'est adapté d'un manga de Osamu Tezuka, peut-être que tu sais qui c'est, non? Oui, c'est King Leo, c'était une série qui passait sur Recréa 2 à l'époque, de mémoire, et en fait c'est exactement ça, c'est King Leo, c'est plus dans la péripétie, hein. Pas Hakuna Matata, là, il en chie des briques, King Leo. C'est ça. Il doit faire face à la mort de son père, Son père qui lui apparaît en forme de nuage, ça te rappellera quelque chose dans le Roi Lion. Tout à fait. Après, voilà, la famine, hein, parce que ses récoltes sont bouffées par des sauterelles quand il est roi. À tous des trucs comme ça, beaucoup plus... Adulte, voilà. Les mangas, de toute façon, c'est toujours plus adulte. Quand tu regardes des mangas comme Rémi sans famille ou Evangelion, quand on y parlera tout à l'heure, c'est des thèmes plus adultes. Là, Disney, l'inconvénient, c'est qu'entre le plagiat et l'hommage, eux, ils savent pas faire la différence. Ouais, c'est ça. Un plagiat et un hommage, pour eux, c'est la même chose. Après, moi, j'ai bien aimé quand le Roi Lion est sorti, parce que du coup, ça a fait découvrir King Léo, parce que les vautours de la presse se sont empressés de dire que c'était un gros plagiat de La Mort qui Tue, donc du coup, ça a pu faire connaître l'œuvre. Bon, petite anecdote, Osamu Tezuka, en fait, il est très connu aussi dans le manga parce que c'est le créateur d'Astro Boy, en fait. Donc, Astro, le petit robot qu'on a pu découvrir sur les écrans de notre jeunesse, on va dire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Roi Lion. Bon, on aime bien, mais on trouve le projet opportuniste, on va dire, dans l'ensemble. Et puis, on va rester dans le domaine de l'animation un petit peu avec le détective Pikachu qui va tout de suite nous présenter Teddy. Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon... Je vais t'électrocuter, ok? Donc, Détective Pikachu, pour ceux qui connaissent pas, Pikachu, c'est le plus célèbre des Pokémon, en fait. Ouais. Hein, donc, les monstres de poche sortis sur Nintendo dans les années 90. Voilà, le truc tout jeune qui est plus tout jeune. Bon, c'est le petit rat qui lance des éclairs. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas Pikachu, enfin, sortez de votre grotte, hein, parce que franchement, vous avez pas de mérite. Donc là... La grotte de Yoda. Là, ils font un film live avec Détective Pikachu. Donc, c'est un Pikachu qui sait toujours dire que Pika Pika, mais qu'il y a un humain qui arrive à parler avec lui. Puis, bah, apparemment, ils vont faire des enquêtes dans le monde idyllique de Pokémon, qui est un peu plus dark que d'habitude, ce monde, par rapport au dessin animé. Donc, c'est pas Sacha. Hein. Donc, voilà, ce Pikachu-là, il va aider son nouveau dresseur ou son apprenti, ou je sais pas quoi, parce qu'on a du mal, on s'y perd un peu en conjecture dans Détective Pikachu. Enfin, dans l'histoire, c'est qu'en fait, il rencontre un jeune qui a apparemment perdu son père parce qu'il a disparu. Pikachu connaît son père et ils vont faire duo en fait. Ça va être une espèce de tandem. En tout cas, ils vont aller dans cette ville qui ressemble étrangement à des villes un peu tentaculaires, à la Blade Runner, tu sais. Il fait noir, les bâtiments sont énormes. Ouais, la Ghost in the Shell. Ouais, c'est ça quoi. Ghost in the Shell. Et indirectement inspiré par Blade Runner, mais... T'as pas encore donné ton avis, là, parce que t'étais bien chou, là, tout à l'heure. Bah, en fait, voilà, je suis revenu sur l'histoire, hein. C'est Pikachu qui fait des enquêtes avec la voix de Ryan Reynolds. C'est ça. Bon, j'ai résumé le film et l'intérêt pour mon film, rien qu'à ça. C'est un film qui est totalement inintéressant. Pikachu, pour moi, n'a rien à faire dans un des trucs de détective ou d'un truc comique. Et puis, bon, je suis désolé, c'est un film qui donne vraiment pas envie d'aller le voir. C'est pour les gosses. Ah bah, c'est largement pour les enfants, ouais. C'est... De toute façon, je pense que la cible, c'est clairement les petits, quoi. Ouais, puis ceux qui ont bien aimé Deadpool, parce qu'ils mettent la voix de Ryan Reynolds avec... Ouais, mais est-ce qu'il va oser faire des blagues salaces comme dans Deadpool, quoi? Oh, je suis sûr qu'il va pas se gêner. Enfin, voilà, moi, attends, c'est... ça peut être censuré, parce que, bon, je vois mal Ryan Reynolds parler de bite ou je sais pas quoi. Bah, Pikachu, non, mais se foutre de la gueule de son sidekick, ouais, parce que pour moi, l'humain qui joue là-dedans, c'est un sidekick à Pikachu, Pour moi, voilà l'histoire. De toute façon, le film, c'est Détective Pikachu. Ouais. C'est pas Détective Random, j'ai oublié ton prénom. Donc, moi, c'est un film... Toi. Ah ouais, littéralement, l'acteur, on a rien à battre. Ouais. Hein. Il fera qu'un film et puis après, il passera à autre chose. C'est clair. Ou alors, il fera un petit caméo dans Pacific Rim 3 et il sera déjà un gars en deuxième. Je sais pas si on a prévu de faire un 3, mais bon, déjà, le 2, il était nul, mais... Pour moi, ce film-là, aucun intérêt, je vois pas... Enfin, si, ça va plaire aux gosses, ils vont vouloir aller voir Pikachu qui fait des enquêtes. Ça sera un peu marrant, parce qu'il y aura des blagues méta et des blagues à la con avec Ryan Reynolds. Enfin, d'ailleurs, doublé par le mec qui double la voix de Ryan Reynolds en France. En français, ouais. Donc on garde le truc. On aura un point de repère. Enfin, problème, c'est que des fois, c'est pas vraiment les gens qui sont repris pour le doublage final, mais bon, ça, on verra plus tard. Et puis, ben non, l'histoire n'a pas lieu d'être pour moi, et puis c'est pas un film que j'irai voir, parce que... Bon, déjà que je me suis fait chier pour aller voir Star Wars 8, alors pour aller voir un film comme ça, je me ferais pas chier une deuxième fois. Moi, je préférerais regarder Star Wars 8 une deuxième fois que d'aller voir ça. T'es en train de dériver, là, parce que Star Wars 8, c'était quand même le fond du panier, mais tu vas quand même devoir te sacrifier pour voir le 9, quoi. Pour moi, on se rapproche carrément, tu vois, Star Wars 8 touchait le fond, bah, Détective Pikachu, il continue à creuser quand même. On a été un peu léger, maintenant on va taper un petit peu dans le plus concret. On va parler de tokusatsu, de kaiju et de mecha, et voilà quoi. Yatsu wa Ultraman nado dewa nai. Watashi ga Ultraman da. On va s'attaquer à plus de concret, c'est-à-dire que on va revenir un peu sur les sur nos héros de jeunesse. Hein. Le personnage que on va évoquer, c'est un peu le précurseur de tous ces héros, tous ces personnages en costume, en armure qui ont égayé notre écran, que ce soit Spectroman ou Xor. Et pour débuter, ben le bonhomme, il a débuté en 1967. C'était une série qui était assez kitsch pour l'époque, mais c'était un petit peu précurseur où il affrontait des monstres en caoutchouc. J'ai pu voir ce matin quelques extraits avec le mec qui fait du judo avec les créatures et il balance des lasers qui les coupent en morceaux. Enfin bref, je te laisse en parler parce que tu connais mieux que moi cet univers. Donc là, on parle de l'univers d'Ultraman. Oui. Le plus vieux, alors c'est pas les Super Sentai, hein, je sais plus comment on appelle. Les Tokusatsu. Mmh. Je confonds un peu moi les Tokusatsu et les Metal Hero en fait. Mmh. Parce que là, Xor, c'est un Metal Hero. C'est ça. Et Ultraman, c'est un Tokusatsu. C'est pas très connu en France, Ultraman. Hein. Non. Donc, attends, est-ce que j'avais dit. Si, ça a été diffusé dans le club Dorothée, mais en 91. Donc c'est très tardif. Hein. Bah oui, 67-91, il a eu le temps de prendre un sacré coup de vieux, hein, le bonhomme. Tout à fait. C'est un peu comme l'histoire de Star Trek, qui te passe une série qui sort en 67, et qui, le premier épisode, est passé en 82, par exemple. Complètement décalé avec l'actualité qu'il y avait à l'époque, on va dire. Mmh. Donc là, des monstres de créer de la pollution, hein, c'est ça, de mémoire, Ultraman ? Non, ça c'est Spectroman. Ça c'est Spectroman, comme quoi, quand ça passe tardivement, on a quoi s'en mêler les pinceaux. Et en fait, le but du jeu, c'est le mec qui combat des monstres, et puis il grandit à leur taille, et puis il leur pète la gueule, quoi. En fait, si on peut petit peu préciser, c'est que lui, le jeune, là, il fait partie d'une patrouille d'élite qui doit repousser des monstres, et il tombe un peu par hasard sur un espèce d'artefact qui lui permet de pouvoir se transférer dans Ultraman, qui est un géant, hein. Mais le seul souci, c'est que, d'après ce que j'ai lu, c'est que il a un pouvoir qui a une durée limitée. C'est-à-dire qu'au-delà de la durée, il perd tous ses pouvoirs. Donc il a intérêt à speeder s'il veut vaincre l'ennemi, quoi. Oui, une notion de temps, et puis ça lui permet aussi de faire l'excuse à chaque fois, le Deus Ex Machina du laser final. Tout d'un coup, il faiblit, c'est-à-dire que le mec faiblit, et puis il regarde sa montre, et puis il se dit « Merde, il est l'heure que je balance mon rayon laser qui tranche les mecs en deux. » Ouais, c'est un peu comme si on était en train de se bastonner avec quelqu'un et qu'on gagne au corps à corps, quoi. Et puis tout d'un coup on se dit oh putain merde je vais aller rencontrer voir ma femme et puis on lui tire dessus au pistolet. Voilà, c'est la même chose. Ça me rappelle une scène de Star Wars numéro 2, je sais pas si tu te souviens, mais ça traînait en longueur, puis tout d'un coup il y a Obi-Wan qui s'empare d'un flingue et il descend Grievous, il fait exploser le cœur de Grievous, je sais pas si tu te souviens de cette scène. J'ai trouvé ça d'une nullité, mais bon. Bah voilà, c'est à peu près du même niveau, Ultraman. Ouais. Puis là, ils vont faire une série animée. Et la Toho travaillerait apparemment aussi, enfin j'ai vu quelques extraits, sur une série live de Ultraman. Tu veux nous parler de l'aspect technique, visuel de cette série ? Alors moi je vais partir sur la série live, les quelques trucs que j'en ai vus, ça a l'air d'être une grosse merde à la Super Sentai, non X-Or c'était beaucoup mieux que ça, donc du mauvais Power Rangers. Ouais, mais y a pas un problème parce qu'on est quand même en 2018, et tu me dis que vu le visuel et tout ce qui est technique, tout y est daté, et ils font pas d'efforts là tout, je sais pas moi... Tu peux regarder, si tu veux, ce qu'on appelle les dramas, les live-action, tu peux regarder celui de Sailor Moon, les effets spéciaux, ils en ont pas, et c'est des peluches, littéralement, qu'ils ont pris pour jouer les personnages des chats. Donc, C'est jusque-là, ouais. Donc là, Toho, c'est un peu, je dirais, comme ceux qui font Terminator en ce moment, c'est cette licence-là a bien marché, on va faire cracher du fric aux otaku. Ouais, c'est ça. Sur Netflix, ils sortent une version animée que tu m'as montrée. En 3D, ouais. Et une série qui va commencer en printemps 2019. Bon, j'y jette un coup d'œil. Moi, Ultraman, c'est pas trop mon truc. J'ai pas grandi avec, j'ai plus grandi avec les X-Or et les Spectroman. Mais cet aspect un peu caoutchouteux des personnages. L'aspect en collant, on le voit bien, de Ultraman. Fermeture éclair, on la voit bien sûr. Ce qui est génial, c'est qu'il y a certains plans où tu vois, tu sais, Ultraman, pour montrer qu'il est grand, ils mettent la caméra tout en bas, puis avec une vue sur le paquet. C'est des trucs qu'il va falloir corriger. Hein. Ouais. Alors là, tu parles de plan contre-plongé, c'est ça le souci. Hein. Donc on peut peut-être avant de parler de Neon Genesis Evangelion, je sais que toi, t'es un grand fan de Saint Seiya, et j'ai appris récemment que Netflix, il va aussi produire une série Chevalier du Zodiac, une nouvelle, et il y a aussi en parallèle une série Sentia Show, qui est en train de diffuser et qui là reprend des personnages féminins de la saga, quoi, en fait. Ah non, ça reprend pas des personnages féminins, c'est encore pire que ça, c'est l'effet Ghostbuster. Par exemple, on aura les noms, je sais pas, mais c'est la féminisation de la licence. Exactement, ouais. C'est féminisation, donc ils vont sauver Athéna, et puis c'est des femmes qui vont sauver Athéna. Moi j'ai rien contre le fait que ce soit des femmes qui vont sauver Athéna, là n'est pas le problème, parce que si tu prends Marine ou la Chevalière de l'Aigle, c'était quand même assez puissant à l'époque. Mais par contre là, c'est vachement opportuniste, hein. C'est pour ratisser large auprès des demoiselles. Hein. Ça m'a fait penser à... Bah, une version féminine de Ghostbusters, quoi, par exemple. Hein. C'est un truc, on nous met des scènes d'action avec des femmes qui sont les mêmes que les hommes, et puis le but du jeu, c'est que c'est des femmes, et puis voilà, elles sont badass parce que c'est des femmes et elles sont puissantes. Y a rien de neuf. Ouais, y a pas de... Ouais, bah, de toute façon, je savais quand on parle de ça que tu dirais que c'est opportuniste une fois de plus. D'ailleurs, il va falloir compter le nombre de fois qu'on dit opportuniste dans ce podcast, parce que on va atteindre des records tellement les projets qui se télescopent, qui avancent. C'est tellement des ressucés de trucs qu'on a déjà vus, c'est horrible, quoi. Moi, je voulais revenir sur Saint Seiya pour râler un dernier coup. Allez, vas-y. Par exemple, Saint Seiya, avant, c'était même pas des hommes, c'était des ados qui devaient sauver une princesse. Et le fait que Seiya était le héros principal, c'est parce qu'il y avait une ambiguïté complète avec Athéna. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il se battait pas pour Athéna, Seiya, il se battait pour Saori. Donc, la version humaine de Athéna, princesse Saori, à chaque fois dans le manga original. Et tout le monde disait pour Athéna, tu vois, et puis lui, il disait pour Saori, à chaque fois. Tu vois, donc tu pouvais créer une ambiguïté du personnage, il tire sa force de l'amour qu'il porte à quelqu'un. Mm. Là, par mettre des lesbiennes ensemble, je vois pas comment elle pourrait tirer la force de l'amour d'Athéna. Tu vois, c'est quelque chose. C'est des lesbiennes, les héroïnes. Bah, j'espère pas trop, parce que là, on va rentrer dans le cliché à fond les ballons. Il y a ce rapport entre la hiérarchie et l'amour qu'il y avait entre Seiya et Saori, que je vois pas comment ils pourraient faire avec Pégase féminin et Saori, tu vois, c'est quelque chose. Enfin, je veux bien que l'amour, ça transcende les genres, mais après, si c'est pour ratisser large dans la communauté LGBT, faut arrêter de les prendre pour des cons, ça va se voir. Hein. Bah, c'est un peu le même phénomène qu'avec les fans, hein. On les prend pour des cons. Tout à l'heure, on parle d'un trailer que vraiment, j'ai trouvé insultant, mais bon, voilà quoi. Maintenant, je pense qu'on peut pas, on peut parler de cette licence qui est un peu moins ancienne, qui a commencé dans les années 90, c'est Neon Genesis Evangelion. Evangelion. Moi, je connais pas du tout la licence, mais je sais que dans le milieu manga science-fiction, c'est très connu. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais quand même résumer à dire ce que c'est. C'est que on a une espèce d'invasion de monstres qui s'appellent les anges. Il y a 5 jeunes. Souvent, ils sont 5 dans les histoires de mecha. Hein. Ouais, il y a force bleue, force rouge, ouais, force jaune, force vert. Enfin, il y a pas trop de couleurs, mais ils pilotent des espèces de robots géants qui sont pas vraiment des robots, vu qu'apparemment ils sont aussi organiques. Donc pour moi, ce serait plus des espèces de cyborgs, androïdes géants. Et il y a une espèce de guerre et ils ont des difficultés comme tous les jeunes, et puis c'est très adulte parce que parfois c'est violent, on peut le voir dans les extraits. Et là il y a une nouvelle version sur Netflix, enfin Netflix qui est en train de ratisser large quand même, avec cette histoire de combat entre des espèces de robots d'androïdes géants contre des kaijus, quoi. Après Evangelion, bon, là t'as résumé l'histoire secondaire, en fait l'histoire principale, c'est comme dans tous les mangas, hein, comme dans Darling in the Franxx ou Vanguard, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, qui vont devoir se côtoyer, apprendre à se connaître, apprendre à coopérer et apprendre à se transcender. Sauf que dans Darling in the Franxx ou Vanguard, ça tourne bien, Evangelion, ça tourne mal. Je sais pas, je veux pas spoiler la fin, mais bon, on a la classique tsundere ou les trucs comme ça, et puis là, dans Evangelion, c'est moins manichéen, mais les clichés, ils y sont, mais... Ouais, enfin, moi, je veux pas spoiler, mais les plusieurs fins qu'il y a, elles sont quand même très prenantes dans Evangelion. Il y a une vraie tension, quoi. Il y a des vraies tensions, et tu vois, normalement, tout le monde gagne à la fin, hein, les gentils gagnent à la fin. Dans Evangelion, ça dépend des fins. Il y a plusieurs fins et c'est pas forcément celui qu'on pense le plus gentil ou le plus méchant qui était le plus gentil ou le plus méchant. Bah, faut dire que dans les animes japonais, on n'a pas peur de pas faire des happy end, parce que dans les trucs américains, c'est faut que ça se termine bien, tu vois. Par contre, dans les animes japonais, j'ai quand même remarqué qu'il y a que ce soit Albator, tu sais, le dernier Albator par exemple, le héros n'est pas porté en triomphe, loin de là, c'est hyper sombre. Et ça finit presque mal, quoi. Il y a pas que Albator, hein. Il y a plein de séries que je pourrais te dire. Bah, ça laisse un goût amer parce que ça se termine mal pour les héros. Il y en a qui meurent, il y a des morts, comme dans la bataille des planètes par exemple. D'ailleurs, il y a cette anecdote, c'est que dans la bataille des planètes, ils ont censuré la mort de plusieurs membres d'équipe, d'un membre d'équipe en particulier. Et en France, on l'a jamais su, mais si on garde l'intégrale, c'est très sombre, il y a des morts dans la bataille des planètes, et c'est particulièrement virulent, quoi. Et après, c'est pas des morts gratuits. On va prendre un vieux manga et quelques récents. Un vieux manga que tout le monde connaît, Hokuto no Ken. Moi, je suis désolé, les combats sont fratricides. Oui. Il y a des morts. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un point de vue, ils défendent jusqu'à la mort, même quitte à se battre entre frères. C'est ça. Et quand ils se réconcilient, c'est qu'il est trop tard. Quand Rao se réconcilie avec Ken, il est trop tard. Rao est mourant parce qu'il a transmis son énergie à Julia. Après, dans les plus récents... T'as spoilé la fin de Ken, quoi. On s'en fout, vous êtes censé le voir. Bah, je vais vous spoiler Assassination Classroom, du coup. Ouais. Là, dans le dernier manga qui est sorti, Assassination Classroom, Kolo-sensei, à la fin, il se fait poignarder alors que ses élèves ont réussi à l'empêcher d'exploser. C'est-à-dire à réduire sa probabilité d'exploser à 1%. Et il se fait quand même tuer à la fin parce que bah, c'était le but de son entrée dans l'école. Quand il est rentré, là, son but, c'était de se faire tuer, d'apprendre à tout le monde à devenir de bons assassins pour devenir de bonnes personnes. C'est discutable comme but. Hein. Et là, quand on regarde la fin d'Assassination Classroom, je vous mets au défi de pas chialer quand vous voyez Nagisa poignarder son sensei. Après, si on prend des trucs comme Vanguard, là, par contre, ça va, ça se termine bien. Ils arrivent à détruire l'espèce humaine et à vivre en harmonie. Ouais, parce que dans Vanguard, les humains, détruire c'est les méchants. Détruire l'espèce humaine, c'est très, très dark ce que j'aurais regardé. Bah, en fait, c'est devenu dystopique dans Vanguard. Ouais. C'est-à-dire que les humains, ils ont inséminé toutes des planètes avec des autres humains. Telle planète, on récolte les cœurs. Telle planète on récolte les organes génitaux, telle planète on récolte les cerveaux, telle planète on récolte les yeux, telle planète on récolte ceci, pour faire des nouveaux humains. D'accord. Donc ils sont défoncés la gueule à la fin, et là ça fait plaisir. Mais tu vois, dans les mangas, c'est rarement manichéen, c'est rarement le bien et le mal. Même quand tu prends Détective Conan, même des fois, certains assassins, tu te dis « Ah, j'aurais peut-être fait pareil ». Ouais, justement, quand tu parlais, je réfléchissais aussi à Akira. C'est hyper sombre et ça finit très mal, finalement, dans ce film-là. Mais je sais pas si tu te souviens un petit peu. C'est la liberté totale des mangaka. Mmh. C'est la liberté totale de ce que les studios veulent bien imposer aux mangaka. Ils ont une vision, ils veulent que ça parte dans cette direction. Et les plus grands mangas, Akira notamment... Mmh. C'est que le mec, il a pas dérogé à sa vision. Mmh. Ça doit finir comme ça, ça finira comme ça. Vous êtes pas content, vous démerdez pour faire un film vous-même. Voilà quoi. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces productions Netflix qui vont envahir le petit écran d'Internet. Et encore une fois, ça surfe sur la vague de la nostalgie. C'est du revival en permanence quoi. Du revival à gerber, je trouve. On va terminer la section un peu trailer par cette espèce d'insulte, je dirais, aux fans d'ici, avec le trailer de Brightburn. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment, que tu te sens différent de tes copains. Tu es différent. Si tu veux bien, je présente un petit peu le contexte. On voit dans ce trailer déjà une balançoire, voilà. Donc déjà un premier indice. Une famille de fermiers qui retrouve un petit bébé dans un vaisseau spatial. Donc je vais pas vous faire l'offense de vous demander ce que c'est. Et puis il y a tous les signes reconnaissables. Hein. En fait, le gamin, il est brun aux yeux bleus. Il porte une cape rouge. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi de ce trailer, c'est que il y a le discours qui va avec. Tu es exceptionnel. Tu es un être exceptionnel. Tu es là sur la Terre pour une seule raison. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants, c'est le ciel qui nous l'a envoyé. C'est ça. Et puis après le gamin, c'est un gros psychopathe. Et puis il crame les portes avec ses yeux rouges. En fait, il lui manque que la mèche quoi. En fait, qu'est-ce que t'en penses toi de ce trailer? Oh, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est un plagiat de Superman. Et puis de dire si Superman était mauvais et psychopathe, qu'est-ce que ça donnerait? Et encore, je dirais même pas Superman parce que c'est le gamin là qui est psychopathe. Donc c'est clair que voilà. Et puis donc soit les parents ils l'ont mal élevé. Soit c'est comme dans le village des damnés, il est né pour être méchant quoi. C'est ça, c'est le village des damnés aussi. Donc il faut savoir que ce film il est pas produit par DC Comics, il a été scénarisé, c'est bien un bien grand mot parce que c'est tellement du pompage intégral que on s'en est honteux. Oh, c'est du copier-coller et inversé, c'est-à-dire gentil, tu copies, tu colles, tu mets méchant et t'inverses toutes les scènes. Non mais il y a le scénario, je suis consterné quand je vois ça. Mais j'ai vu les réactions des mecs sur internet, ils sont enthousiastes hein. C'est fou, quoi. Je veux dire, on leur sert de la soupe, de la merde, et ils sont encore contents, quoi. C'est ça qui... Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est produit par James Gunn. Alors, j'ai compris pourquoi... Alors, je sais pas s'il a eu l'autorisation de DC Comics de reproduire le même schéma. Je sais qu'il a été viré il y a pas longtemps par Marvel, et que du coup, DC l'a recruté pour signer Suicide Squad numéro 2. Donc une petite aparté aussi, c'est j'ai bien aimé l'espèce de technique marketing vraiment nulle de DC Warner qui compte pour Bird of Prey qui avait un titre tout simple hein, on va dire, mais ils ont eu tellement peur que les gens n'aillent pas le voir que le film, qu'ils se sont mis à un titre à rallonge avec Harley Quinn dedans. Et c'est-à-dire que c'est pour dire aux fans, ah, regardez, hein, il y aura Harley Quinn dedans, il faut aller le voir. Hein. Ils jouent la crédibilité du film sur Margot Robbie en fait. Non, c'est pas une mauvaise actrice. Moi, je l'ai vue dans d'autres films. Mais dans d'autres films, je suis d'accord. Elle est bonne dans d'autres films. Mais dans Suicide Squad, nous faire croire qu'elle peut être badass, non. Toi, techniquement, ça passe pas. Moi, je vais dire, je vais pas non plus être complètement contre Margot Robbie dans Suicide Squad, parce qu'on a tellement pire à côté. Je pense à Will Smith qui est pas bon du tout, quoi. Bah, le seul qui était bon dans Suicide Squad, c'est Slipknot. Bah, quand ils nous serviront quelque chose de bien, on arrêtera de massacrer vos films. Hein. Peut-être qu'Aquaman, ça va un petit peu changer la donne. Hein. On ne sait pas. Hein. Tout ce que j'ai vu comme extrait d'Aquaman, pour l'instant, ça me donne envie de voir. Quoi. Je ne sais pas pour toi, mais... Aquaman, ouais, c'est le beauf de France. Hein. Ouais, je vais pisser dessus. Par contre, ouais. Non, c'est dommage, parce que le personnage Aquaman, ouais, sympa, je trouve que c'est quelque chose de sous-exploité déjà dans l'univers DC. Mais il y a une certaine fraîcheur quand même, non? Et puis, non, mais c'est parce que, encore une fois, Marvel fait du comique, ça marche, on veut faire du comique. Ouais, mais c'est lourd, hein. De toute façon, bon, pour Momoa, c'est pas trop lourd. Mais vis-à-vis du personnage, je trouve que c'est lourd, quoi, tu vois. Parce que Momoa, il est un peu bof, hein, dans son attitude, quand même, des fois. Tu trouves pas, toi? Oh, je suis désolé, moi, dans Atlantis, en tant que runner, je l'ai pas trouvé bof. Et dans Game of Thrones, quand il fait le roi Drogo, hein, Khal Drogo, il est pas bof non plus. Hein. Je l'ai pas vu dans Game of Thrones. Bon, mais, c'est vrai qu'il... Je l'ai vu dans d'autres films, et puis je trouvais qu'il y avait un peu la même attitude. Dans Stargate, il est pas... Il a ce côté un peu badass, qui est un peu agaçant, quoi, mais... Ouais, c'est... Je trouve qu'il a le même esprit que Teal'c, c'est-à-dire qu'il rend compte à personne, c'est lui qui a raison. Teal'c est quand même plus mesuré, je trouve. Mais on va pas partir non plus sur un débat sur Stargate, quoi. Non, on va pas partir sur Stargate. Ouais. Voilà, quoi, Aquaman, sa tante, comme tu dis, Margot Robbie, c'est l'argument commercial, on va dire, du film. Ah ouais, purement, hein, c'est on dirait, tu sais, les vieux films des années d'avant où disait Margot Robbie présente, et puis après t'as le titre du film. En plus, elle est productrice sur le truc, d'après ce que j'ai vu dans la fiche technique, mais après, je crois qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Là. Après, peut-être qu'en la laissant faire, si elle est coproductrice, ouais, et en la laissant faire quelques choix, peut-être que ça peut faire ce que j'appelle l'effet Ryan Reynolds, c'est-à-dire rehausser quelque chose qui devait être tout mou à la base. Mais toujours est-il que Margot Robbie, c'est l'argument commercial, elle va ramener du monde en salle, c'est clair, mais on a parlé de Suicide Squad et de Bird of Prey, mais on va peut-être revenir sur cette espèce de trailer à la utile, là, vraiment, franchement, parce que... Bah, le trailer tellement utile qu'on a dérivé sur autre chose. Puis bon, c'est vrai qu'on en parle, mais finalement, c'est quand même de lui faire de la pub, quoi. Moi, j'irais pas le voir, hein. Bah, je sais même pas s'il va sortir au cinéma, c'est ça le truc. Ouais, peut-être il ferait mieux de le sortir sur les mêmes plateformes que le film Colossal, tu sais. Parce que franchement, ça fait penser au mec qui a pas d'imagination, qui s'est juste dit, tiens, si Superman y était méchant dès la naissance, comment ça se passerait? À part ça, voilà, c'est tout. Et encore, moi, je l'aurais mieux pris si ça avait été DC Comics à la production. Parce qu'au moins, ils auraient donné une version alternative de leur super-héros, tu vois. Parce que s'ils commencent à faire des plagiats, on avait les reboots, on avait les remakes, on avait les suites. Maintenant, on aura les plagiats. Et bientôt, ils vont te refaire avec un jeune milliardaire qui a perdu ses parents et qui devient criminel. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, après, voilà, pas d'intérêt. Moi, j'ai vu aucun intérêt dans cette bande-annonce. Même pas parce que ça fait vraiment copier-coller la scène. T'as l'impression de voir, enfin, l'intro de Superman, hein, tout simplement. Oui, oui. Puis après, regardez, il est méchant, greux, et avec un jumpscare à la fin, tu te dis, bon, ça c'est pas pour moi. C'est nul. Puis en plus, il porte une capuche rouge. Alors là, c'est l'affront ultime aux fans. C'est une référence claire à Redwood de Batman, justement. Que je voulais dire aussi, c'est que cette bande-annonce, eh ben, en plus de la typographie et de la scène de la balançoire avec les scènes extérieures de la ferme, ça fait vraiment le teaser de Man of Steel. C'est vraiment une offense qu'aux fans de DC. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que on va perdre notre. Là, on s'est un peu défoulé, mais on va s'arrêter pour cette première partie. Après cette large section de trailer, on va aborder les dernières news concernant les séries. Bon, c'est pas non plus de première jeunesse, on va dire, mais on a envie de parler de la nouvelle chaîne streaming Disney qui va certainement Disney Plus, qui s'appelle Disney Plus, qui va certainement concurrencer les Netflix et les Amazon. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on a appris d'ailleurs les annulations complètes des séries Marvel comme Luke Cage, Iron Fist ou Daredevil. Par contre, ils vont nous proposer, ils ont parlé de séries qui se rapprocheraient plus du MCU avec des personnages secondaires qu'on a vus dans les films. À commencer par la première qui a été évoquée, c'était Loki avec Tom Hiddleston. Et puis ensuite, il y a une série sur Scarlet Witch, donc qui est jouée par Elizabeth Olsen dans les films MCU. Et une série que je trouve la moins convaincante dans un projet, c'est celle de réunir Bucky donc le Winter Soldier, avec Falcon. Et ça, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Mais bon, est-ce que toi, tu vois un quelconque intérêt dans ces personnages ou dans la façon de voir... De voir ces séries, quoi. Bah, moi, je vois pas l'intérêt. C'est des trucs qui se conviennent à eux-mêmes dans le MCU, en fait. Ça, je vois pas l'intérêt d'en faire une série. En plus, en ce moment, en fait, les séries Netflix, c'était assez mou. Donc, je m'attends à encore plus mou de la part de Disney parce qu'ils vont devoir. Tu vas arrêter avec tes mous. Donc, c'est vachement mou, en fait, comme série dans les Netflix. Et je pense que ça va être aussi mou, genre Runaways, où il se passe rien, Gifted, où il se passe pas grand chose. Et là, c'est une mode en ce moment. On met juste un titre avec des trucs que les fans aiment bien. Et puis, on fait un truc de la merde derrière. Et puis, on voit s'ils accrochent ou pas. Ouais, c'est encore une fois opportuniste, mais bon, c'est dans le vent, quoi. Faut exploiter des personnages, il faut tirer la sève, quoi, complètement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent rentabiliser à mort aussi, donc c'est pour ça qu'ils vont faire des séries. Ouais, hein. Mais faut arrêter, quoi. Quand tu fais des rien que les films, ils ont maximum 3 films par an du MCU, t'es quand même rentabilisé, hein, au niveau Marvel. C'est pareil pour Star Wars, hein. On en parlait tout à l'heure. Je sais pas, moi, ça devient de la surenchère dans le profit, dans tout, quoi. Et après, c'est une question de public aussi, hein, ouais. Comme on en avait parlé dans un ancien podcast. Mmh. Avant, on devait se contenter de ce qu'on nous servait à la télé. C'est ça. Là, maintenant, ça devient tellement multiplateforme qu'ils peuvent se permettre de lancer des trucs qui vont pas forcément nous parler à nous, mais qui va malheureusement ou heureusement, je sais pas, trouver son public parce que, en lançant une plateforme dans ce genre-là, bah t'es sûr d'avoir un public qui va au moins acheter et qui va peut-être regarder juste pour rentabiliser son investissement. Mmh. Ouais, c'est aussi ça. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Et puis moi, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est cette inondation de toutes ces séries de super-héros. Alors tu parlais de Runaways, il y a les 4 Defenders, et il y aura ces 3-là du MCU, et puis il y a Inhumans, qui était vraiment très mauvaise, faut pas s'en cacher. Alors c'est bien de faire des annonces et des séries. On va en produire. Il y a aussi Agent of Shield qui est renouvelé pour une je sais plus combien de saison, alors que cette série, j'ai joué un truc exceptionnel. Voilà quoi. Inhumans n'était pas très bonne, on l'avait critiqué dans un précédent podcast, il me semble. Et voilà quoi, mais il faut aussi se donner les moyens, et si c'est pour faire, je sais pas, mais le problème c'est aussi d'assurer la continuité avec les films. Et ça, il y a une grosse problématique, c'est que comment on peut faire des espèces de liens avec les films du MCU, mais est-ce que ça va pas aussi poser un problème aussi dans l'histoire, dans la narration, dans la façon de raconter les histoires. Après, Fabien, je pense qu'on est tout simplement pas à la cible. Là, ils font des séries, je vais pas dire à rallonge, mais à tire-larigot pour toucher un public de plus en plus jeune, de plus en plus vaste, de plus en plus ado. En général, c'est un public pas très difficile. Ils se contentent des scènes d'action du moment. On consomme en fait du multimédia et on consomme ce genre de séries, comme ils consomment les films, sans pour autant chercher la cohérence avec l'univers, tu vois. C'est ça. C'est de la consommation. On arrive dans des séries où le but du jeu, c'est nous en produire toujours plus pour faire toujours plus de vues, pour avoir toujours plus de pubs et toujours plus de cash. C'est ça. C'est toujours l'intérêt financier. Et bon, je voulais te dire, c'est que bon, je vais parler des personnages propres. Je veux dire, je pense que il est prouvé que Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, il est très populaire. Il faut avouer que c'est quand même l'un des meilleurs méchants du MCU. Il faut savoir aussi, c'est que normalement, après Avengers, le premier, on devait plus en entendre parler de Loki. C'est ça. Et après, il a tellement été populaire qu'ils l'ont balancé dans Thor Dark World et dans Avengers, dans les autres épisodes, en fait. Heureusement, c'était le seul qui était bien dans Dark World. Bon, moi, je trouve qu'il est encore meilleur dans Ragnarok, mais ça, c'est peut-être mais je veux dire, dans Ragnarok, t'enlèves Loki, bon, t'as quelques passages comiques où ça pêcherait un petit peu, mais le film serait regardable. Ouais. T'enlèves Dark World, t'enlèves Loki, y a plus rien de regardable. C'est vrai que c'était immonde. C'était l'un des films les plus immondes du MCU. Moi, je comprends pas l'intérêt d'un projet de faire une série sur, par exemple, Scarlet Witch. Déjà, peut-être qu'il y aura peut-être une connotation avec X-Men, vu qu'ils ont récupéré les droits il y a pas très longtemps des X-Men et des 4 Fantastiques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, Bucky et Falcon, moi, j'en ai rien à foutre de ces personnages. Après, l'intérêt pour faire, par exemple, Scarlet Witch, bah, c'est des gens dans des studios qui ont fait des grandes études et qui se sont dit, on a une communauté de jeunes ados, puis il y a des femmes aussi dans le lot qui se disent des femmes fortes en ce moment. Tiens, bah, on va recycler ce personnage-là pour ratisser un peu plus large au niveau de la clientèle. Ouais, c'est le seul intérêt que j'ai trouvé. Ouais, c'est ce que tu disais tout à fait avec... ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur Saint Seiya, version féminine. On est un peu dans la consensualité finalement dans ces projets-là. Moi j'ai l'impression qu'ils font des réunions comme ça et ils se disent bon ben quelle tranche de la population on touche pas encore avec nos séries à la con. Ceux-là, bon, ok, tu fais une série pour eux en ratisse large. Mmh, c'est voilà. ça. J'ai juste l'impression c'est, de ça. Vraiment, le ciblage, vraiment, c'est du pur marketing, c'est vrai, t'as raison, il n'y a même pas besoin de commenter ou de s'étaler, c'est des techniques marketing, c'est, il faut des séries, il faut des personnages pour compléter la chaîne Disney Streaming. Ça me fait qu'on va un peu faire une transition vers Star Wars, parce que en voilà une autre de licence un petit peu opportuniste en ce moment, même beaucoup. Attends, juste avant de passer à Star Wars, là je vais poser une question qui va résumer en fait tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pose la question. Bon bah cite-moi une licence qui n'est pas opportuniste en ce moment. Aucune. Il y a un gros blanc là, non ? Tu vois ? Aucune. Ouais. Donc voilà, on ratisse large. Et Star Wars, à mon avis, va souffrir du même symptôme. Bon, là, je vais annoncer quand même, depuis quelques temps, la série The Mandalorian est en tournage, qui est réalisée par John Favreau. Favreau, qui on connaît surtout pour les Iron Man. Bon, là, il a chapeauté la série. Il veut faire une série sur les Mandaloriens, qui sont des espèces de guerriers intergalactiques, dont fait partie le célèbre Boba Fett. Alors, pour l'anecdote, le jour où on parlait de Boba Fett, du temps d'apparition de Boba Fett, dans la trilogie classique, eh ben, j'ai trouvé un petit article qui dit que il apparaît un peu plus de 6 minutes dans l'ensemble de la trilogie. Alors, le mec, 6 minutes, et il devient aussi populaire que Vador, quoi, quand même, bientôt. C'est-à-dire que je compte pas les temps d'apparition dans l'épisode de la guerre des clones, hein, où là il apparaît enfant. Hein, je parle juste. On parle de la saga originale, ouais, on va dire. On parle de la saga classique. Pas de la prélogie. À partir du moment où la saga, son armure verte, quoi, avec son vaisseau. Je pense que cette popularité, elle est due aussi au fait qu'il y a eu des romans, il y a eu des comics, l'univers dérivé a exploité pas mal. L'univers mandalorien, et là on veut le faire découvrir aux spectateurs. Moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est peut-être la meilleure idée qu'ils ont eu depuis de reprendre l'univers Star Wars, c'est-à-dire de vraiment de s'éloigner de la trilogie originale et puis nous montrer un truc différent, parce que là je vais parler des comics et ça, et il y en a beaucoup qui vont peut-être me jeter des pierres, mais au niveau comics il y a pas tellement d'innovation. Pour avoir fait les news dernièrement, ça fait déjà la 4e série sur Vador qu'on doit se taper en comics. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de risque non plus là, de ce côté-là. Une valeur sûre. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que dans l'univers dérivé, je vais expliquer un peu mon point de vue, c'est dans l'univers dérivé, il y a eu cette volonté d'explorer davantage Star Wars, d'explorer, que ce soit loin dans le futur après le retour du Jedi, ou que ce soit des millénaires avant les premiers Jedi, avant la Nouvelle République. Je pense justement au Chevalier de l'Ancienne République, qui est une très bonne série, que ce soit en jeu vidéo ou en bande dessinée. Et là, il y a manifestement aucune volonté de sortir de la trilogie classique. On va rester le cul vissé sur la chaise. Marvel ne veut pas prendre de risque avec ça. Il ne veut pas proposer autre chose que de la trilogie classique, que du Luke, du Leia ou du Vador. Oui, mais en fait, les comics, ils sont édités par Marvel. C'est la vache. Donc ça veut dire que Marvel ratisse aussi ses Star Wars sans prendre aucun risque. Ben, Disney a racheté Marvel. Il a racheté Star Wars. Et avant, la licence de Star Wars, elle était éditée par Dark Horse aux États-Unis. Donc Dark Horse, il a vendu les droits. Je sais plus ce qui s'est passé. Et ça fait que Disney, il faut savoir que les premiers comics, ils étaient édités déjà par Marvel, hein, dans les années 70, quand ils ont fait des espèces de séries de dérivés qui ont paru dans le magazine Titan d'ailleurs. Donc Marvel, ben oui, pas aucune prise de risque. On sort pas de sa zone de confort, hein, j'ai envie de dire, et on propose que du réchauffé, et c'est un peu pareil dans les derniers films, hein. Bon, même si on a bien aimé les spin-offs Rogue One et Solo, la post-logie c'est de la soupe réchauffée, quoi. Et en même temps, moi je pense que de toute façon, une licence comme Star Wars, vu que ça a été racheté à Disney, il n'y aura plus d'originalité. Pour la simple et bonne raison que qui c'est qui crée l'originalité dans les univers étendus de Star Wars avant ? C'est les fans, parce qu'ils avaient le droit d'écrire. Maintenant, t'as plus le droit sans te prendre un procès dans la gueule. Donc du coup, qui c'est qui écrit ? Bah, des mecs qui sont avides de blé et qui sont sûrs que ça marche. Bah, surtout, moi j'ai l'impression quand même que la politique de Lucasfilm maintenant, c'est il faut obéir à Disney, alors qu'avant, il y avait Lucas qui autorisait quasiment tous les scénaristes et les romanciers à écrire sur son univers. Bon, des fois, il faut dire que dans l'univers dérivé, il n'y avait pas vraiment de connexion ni de cohérence avec les récits en intervalle. Mais Lucas laissait plus de liberté, j'ai l'impression quand même. C'est que il faisait pas un procès tous les 5 minutes pour dire ah c'est pas bon. Il y avait une espèce de créativité. Et puis bah si les personnages étaient un petit peu remis en cause, parce qu'il y a un moment, il y a un roman ou enfin il y a une bande bande dessinée où Luke il passe du côté obscur, bah il va pas dire ah ça me dérange que tu fasses ça quoi. Il faut rester dans la ligne droite. Non, il y avait une vraie prise de risque. Il y a des trucs qui sont mauvais dans l'univers dérivé, mais il y a de très bonnes choses. Et d'ailleurs, il y a des personnages de l'univers dérivé qui sont en train d'être réintégrés dans les séries Clone Wars, dans les séries Rebels et aussi dans les romans. Je pense au grand amiral Thrawn, ce personnage qui a une peau bleue là, avec un uniforme de impérial. Et à lui, il est tellement populaire qu'il a été réintégré. C'est pas le premier là. Je vois qu'il commence un petit peu à piocher dans l'univers légende, parce que l'univers dérivé, il y en a deux maintenant. Hein. C'est un peu le bordel. Hein. D'un côté, t'as l'univers légende, donc tous les récits qui ont été faits avant le rachat de Lucasfilm par Disney, et maintenant t'as l'univers officiel. Et l'univers officiel, c'est de la soupe réchauffée en général. Mais bon, voilà quoi. Ça, c'était une petite aparté sur l'univers dérivé. Une grande aparté. Ouais, énorme. C'était pour dire que Mandalorian, voilà quoi. Réagi par Jon Favreau. Alors, au casting, il y a des noms comme Pedro Pascal, qui joue dans Game of Thrones. Il y a Gina Carano, qui est une ancienne combattante MMA. Il y a Nick Nolte, qu'on a vu dans Hulk, notamment. Et puis, il y a Carl Weathers. Alors, Carl Weathers, ceux qui le connaissent, on l'a vu dans Rocky et dans Predator, en fait. C'est lui qui faisait Apollo Creed. Voilà un peu pour le casting. Pour l'histoire, on n'en sait pas de plus. On sait que ça va se passer 3 ans après le retour du Jedi. C'est un intervalle entre un peu avant. Ça va pas vraiment nous aiguiller sur le contexte politique de l'épisode 7, par exemple. Là, c'est plus vers les romans qu'il va falloir se tourner, quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Mandalorian, donc, le découvert de cette espèce d'univers qui avait d'ailleurs été un peu commencé à une ébauche sur un projet de jeu vidéo qui s'appelait Underworld, où là, il était question de mener Boba Fett dans ses tracks pour dans les bas-fonds de Coruscant, où évidemment il traquait des fugitifs et des tueurs en série quoi. Ouais, où faisait son taf de chasseur de primes. C'est ça, ouais. Et là il y avait ce côté un peu, mais là on reprend un peu le même thème. Je pense que ça va partir comme ça. On n'a pas eu beaucoup de photos à part cette photo qui était pas trop mal avec c'est une Boba Fett mais version un peu poussiéreuse et grise, mais c'est une photo qui donne envie. Maintenant j'espère qu'on verra assez vite un premier trailer quoi. Et puis comme j'ai beaucoup parlé, je vais passer la parole à Teddy parce que il va me dire ce qu'il pense de cette série. Bah je peux rien en penser, on n'en sait rien. Donc pour l'instant j'en pense pas grand chose. D'accord. J'espère juste qu'ils vont savoir sortir de l'univers de... Oh, j'ai du mal à dire de brin parce que je l'ai dit, de Star Wars 7 et 8 quoi. Ouais. Moi je pense qu'il faut pas essayer de se raccorder forcément à cet univers catastrophique d'après. Ouais, bah 3 ans après la mort de leur... symbole, on va dire Boba Fett, je sais pas comment il sera traité, il sera peut-être même pas traité du tout d'ailleurs. Tu sais, c'est juste les Mandaloriens et tu parles des Sarlacc quand ils tombent dans le Sarlacc. Ouais, donc ils parleront juste des Mandaloriens et c'est bien de voir un peuple aussi fort que des Jedi et sans affinité avec la Force. Ouais, parce que c'est vrai que Luke il a quand même pas eu pas mal de mal pour le vaincre finalement Boba Fett, parce que c'est quelqu'un d'agile et c'est un personnage qui aurait dû être plus exploité, et c'est vrai qu'il a une mort complètement ridicule hein. Il se fait taper le dos par Han parce que par une maladresse. En fait, il meurt suite à une maladresse. Bon, c'était une espèce de running joke, mais pour un personnage qui avait cette carrière, je trouve que c'est pas bien fait. Il y a des erreurs dans le 6, hein. De toute façon, il y en a pas mal. Dont les Ewoks, mais voilà, quoi. Et puis l'autre série qui est annoncée, mais ça c'est vraiment au stade de projet, c'est une série sur Cassian Andor, donc qui est joué par Diego Luna dans Rogue One. Toi tu connais pas les personnages, mais pour te situer, c'était le rebelle avec sa moustache qui accompagnait la fille Jyn Erso dans Rogue One. En fait ils meurent tous les deux sur la plage à la fin. Je sais pas si tu te souviens. À part la moustache d'Henri Carville, non, je me souviens pas de moustache. Mais bon, le mec, c'est un peu le Han Solo véreux, quoi. Il tue les mecs. Enfin, il fait un peu le sale boulot de la rébellion. Il supprime un peu les témoins au début. Il supprime un témoin. C'est une vraie rébellion. Ouais. C'est comme faisaient les résistants quand il y avait les Allemands. On voit un Allemand, on lui tire dessus. Tu vois, c'est la vraie rébellion. C'est un vrai rebelle. Là, c'est vrai que dans Rogue One, ils prennent pas de gants, hein, les rebelles. Ils sont moins montrés sous la bonjour, je vais dire. Ils font des attentats. Ouais. Hein. Donc, c'est peut-être cet aspect un peu plus sombre qu'on va voir dans la série. Bon, ce serait une bonne idée. Maintenant, Cassian Andor, je suis pas sûr qu'il soit aussi populaire qu'un Boba Fett ou qu'un autre personnage secondaire de la trilogie classique. Bon, je vais essayer de croire que on va voir autre chose que du Kylo Ren et du Hux et du Phasma. Enfin, Phasma est morte, donc on va être débarrassé. Mais des personnages qui ont un petit peu de charisme et qui nous énervent pas dès qu'ils apparaissent à l'écran. Quoi. pour la partie suivante, on va s'attaquer à donner quelques avis sur des séries qu'on a vues récemment. Je vais te laisser un petit peu parler parce que c'est moi qui parle beaucoup en ce moment. Je vais te laisser un petit peu parler des petits courts-métrages qui sont sortis il y a quelques semaines en marge de Star Trek Discovery. D'ailleurs, que la saison 2 devrait reprendre à partir du 17 janvier. On a quand même hâte de revoir que ce soit Saru, je sais plus comment elle s'appelle déjà la principale. Burnham. Et puis on aura hâte de revoir Georgiou. Et puis j'ai mis une critique, c'est que c'est pas très malin d'avoir mis Pike comme capitaine du Discovery, mais bon, ça m'en garde que moi. Donc, deux courts-métrages que je te laisse présenter. Donc ouais, le premier, c'est les courts-métrages sur Star Trek, qui s'appellent donc Star Trek Short Trek. Petit voyage court, hein, ça veut dire. Moi, j'ai plutôt bien aimé, en fait, de prendre à contre-pied l'univers de Star Trek, de se concentrer sur un personnage. Bon, par contre, c'est fauché, hein, c'est un budget à zéro. Et puis, de faire une petite histoire qui se rapproche plus de l'univers des Star Trek d'avant. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est pour le premier. Je vais être obligé de vous spoiler, hein, parce que c'est des trucs qui durent vraiment pas longtemps, qui sont unitaires. Donc, je vous spoilerai pas Star Trek, je vous spoilerai pas l'univers de Star Trek en vous racontant ce qui se passe. Mmh. Donc, dans le premier Short Trek, en fait, c'est une extraterrestre. On sait pas d'où elle vient, c'est juste, on sait qu'elle se blesse. C'est tout, et qu'elle est plutôt agressive, et apparemment qu'elle contrôle un peu mentalement la technologie parce qu'elle fait péter les micro-ondes. Enfin, les micro-ondes, c'est dur à dire, des micro-ondes dans Star Trek. Les fours qui font à manger, par exemple, des trucs comme ça. Et on sait pas trop qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Puis elle tombe sur Tilly, et Tilly qui va montrer un potentiel à la fois maternel et à la fois professionnel pour cette personne, et qu'on va savoir en fait que cette personne, c'est une autochtone d'une planète qui produit du dilithium. Littéralement, c'est-à-dire qu'elle a inventé une machine à produire du dilithium, donc le carburant spécial dans Star Trek, et puis il va avoir une relation mère-fille qui va s'installer entre eux, sachant que juste avant, on nous a montré une relation mère-fille complètement toxique entre Tilly et sa mère. Ouais, c'est ça, en fait, dans cet épisode-là, on retrouve l'officier Tilly. Alors Tilly, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'est la rousse qui est avec l'ingénieur. C'est elle qui est avec Burnham dans la chambre. Ils partagent la même chambre, Tilly et Burnham. Ouais. Ouais, et après, d'accord. Elle est avec l'ingénieur, celui qui s'est implanté les midi-chloriens dans sa peau. Donc, pour ceux qui ont vu, la première saison de Star Trek Discovery, c'est une ingénieure en second, en fait, hein, quelque part. Ouais, donc Tilly qui rencontre cet extraterrestre qui a la possibilité de devenir invisible. C'est une génie, hein, quand même, quelque part dans son genre. Littéralement. Une génie qui n'est pas très reconnue. Elle est cheatée, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est utilisée un tricorder, elle s'est créé des cristaux de dilithium avec une machine pour faire plaisir à sa sœur jumelle. C'est vraiment bien. Penser. Oui, bon, un bon court-métrage, peut-être un petit peu trop court parce que ça développe pas assez pour moi. Après, mais je dirais pas que c'est un bon court-métrage, je dirais que c'est quelque chose qui nous rafraîchit un peu de l'univers Star Trek. Mais si vous les voyez pas, ces trucs-là, c'est pas grave, vous comprendrez quand même l'univers Star Trek. Non, c'est clair que c'est un peu des compléments, c'est une petite mise en bouche avant la saison 2, quoi. Moi, je dirais que c'est ça, quoi, en fait. Voilà, quoi, pour ce que je voulais dire, c'est que c'est sympa pour les fans, mais c'est pas très utile. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très utile, quoi. C'était un peu mièvre, même parfois, mais. Non, alors là, c'est pas un peu mièvre. Là, je vais aller. C'est complètement mièvre. Ah bon, c'est pas pareil. T'es encore plus hard que moi, là. Ah ouais, non, mais c'est l'esprit Starfleet, là, complètement. C'est-à-dire que là, Tilly, t'as vu, elle veut intervenir pour l'aider, mais elle peut pas. Enfin, voilà. Après, il n'y a plus d'équipage non plus. Hein. Moi, je tiens à préciser que c'est un peu fauché aussi. Mmh. Et quand tu vois qu'elle le rend à la fin à sa planète. C'est la prime directive, quoi. Tu te mêles pas de leurs affaires tant qu'ils savent pas s'en mêler eux-mêmes. Donc là, elle a le droit de s'en mêler parce qu'ils arrivent à warper depuis très peu de temps, en fait. Ouais, on sait pas vraiment le placer, en fait. Chronologiquement, j'ai pas réussi à le placer, en fait. C'est pas fait pour, hein. C'est vraiment des séries qui prennent un personnage, qui le développent un petit peu. C'est complètement mièvre, hein, on est d'accord, hein, ça. Même le deuxième. Hein. Ouais, le deuxième est encore pire, je trouve. Et puis voilà, on essaye de te faire une petite histoire autour de tiens, il va se passer ça, et puis c'est pas très important. Donc, justement, tu parlais du deuxième, tu veux peut-être te le présenter rapidement. Bah, le deuxième, c'est une navette en perdition dans l'espace, même dirais plutôt une capsule de survie. C'est ça, ouais. En perdition dans l'espace, et puis il est capturé par l'USS Discovery, et puis il y a personne dans le vaisseau, et seule une intelligence artificielle, donc celle du vaisseau, arrive à communiquer avec la personne qui a décidé de se faire appeler Kraft. C'est ça. Et puis, toute l'histoire tourne autour d'une relation qui se construit entre une entité cybernétique et une entité réelle. Bon, tu peux enchaîner sur ton avis, après, moi, je dirais le mien. Moi, mon avis, c'est encore une fois très mièvre. C'est-à-dire que, en fait, ils tombent amoureux plus l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'entité, donc l'IA du vaisseau, que ça fait 1000 ans qui est arrêtée, on va dire, à la même station, qui n'a pas le droit de partir parce qu'il y a eu l'autre de ne pas partir. Donc ça fait 1000 ans qu'elle doit évoluer, donc elle se faisait un peu chier, donc elle a récupéré un corps dans l'espace qui traînait pour avoir un compagnon. Je sais pas si un IA peut vraiment se faire chier, mais bon, moi j'ai trouvé ça complètement, pas naze, mais mièvre avec l'histoire, avec les rappels avec Fred Astaire, par exemple. Il y avait passage avec Fred Astaire de danse, là. Ouais, ça fait Wally, en fait. Oui, c'est ça, en fait. On voit tout arriver de loin, contrairement, moi, je trouve, au premier, où il y avait quand même quelques surprises. Là, c'est vraiment, j'ai vu arriver tout de loin, j'ai trouvé ça, mais mauvais. Puis en plus, bon, cette histoire de navette, là, elle lui dit qu'il peut pas partir, et puis à la fin, il repart avec sa navette. Moi, je comprends, j'ai pas compris, là, franchement... Alors, l'histoire de la navette. Moi, par contre, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est mièvre, je te l'accorde. Mmh. Mais moi qui adore, par exemple, le film Love Actually ou des trucs comme ça, ça m'a fait penser à certains côtés à ça. Mmh. Donc, voilà, il est soigné. Le temps qu'il se retape un petit peu, elle lui dit qu'il peut pas partir parce qu'elle a l'ordre d'utiliser ses ressources pour rester en place. C'est juste un prétexte pour dire, sinon ça va vite, hein, il fait 5 minutes le truc. Hein. Elle le soigne et il se barre et c'est marre. Donc en fait, c'est pour montrer le fait qu'il est plus ou moins prisonnier de cette intelligence artificielle parce qu'elle a l'ordre de garder les ressources au cas où ceux qui sont partis depuis 1000 ans reviennent, en sachant qu'ils reviendront pas. Hein, ça fait apparemment 1000 ans qu'elle est coincée là. Et c'est juste un prétexte pour créer une ambiguïté et pour faire évoluer la machine qui a évolué, on va dire, à la conscience, pour qu'elle s'évolue à l'âme. Ouais, en fait, au début, elle était pas trop pour le lâcher, puis finalement, elle a réparé la navette, parce que c'est pas lui qui l'a réparée. Hein, Elle l'a pas réparée, elle l'a dit. Hein, c'est une navette qu'on a reçue il y a 1000 ans, elle est neuve, elle a jamais servi. Ah, c'était pas la même qu'au départ. C'est ça que tu veux me dire. Alors, au départ, t'as dû avoir un petit problème de VO. Oh, elle dit bien qu'il y a plusieurs navettes, mais qu'elles sont inutilisables, sauf une qui est arrivée et qui a jamais servi, mais qu'elle a pas le droit de lui laisser parce que c'est un gaspillage de ressources. D'accord. Bon, j'ai pas perçu ça. Bon, ça, c'est un peu moins obscur, mais C'est pas l'intrigue principale. Ça n'enlève pas cette espèce d'esprit un peu vraiment nié. Moi, j'ai... Voilà, c'est nié. Ça, je peux pas nier que c'est nié. Mais moi, je trouvais ça rafraîchissant de voir un petit peu quelque chose d'autre que de la brute épaisse à l'écran et puis d'apprendre à s'apprivoiser entre deux inconnus. Moi, c'est tout ce que j'y ai vu dans ce truc. Ouais, toi, t'as vu le côté un peu social et puis c'est vrai que, quelque part, c'est un peu mieux que le dernier épisode de Star Trek Discovery. Mais bon... Voilà quoi. Bon, on a parlé de Discovery et tout. Par contre, voilà, Short Trek, c'est passable. Hein. Vous êtes peu... Moi, je vous encourage à aller le voir, mais vous attendez pas à un truc grandiose. Hein. C'est vraiment, on dirait des web-séries faites à la Star Trek. C'est exactement ça. C'est quand même mieux que Stargate, la web-série, mais on se rapproche quand même de quelque chose assez... quelque chose assez mièvre, et puis que c'est ça dégouline le bon sentiment. Mais moi, ça, j'adore. Bah, je peux comprendre, hein, je critique pas, tout le monde a son opinion. Mais c'est pas un truc qui va vous passionner. Hein. Je veux dire, si vous le regardez, faut pas vous attendre à un truc passionnant pour l'instant. Non, mais il y a pas... De toute façon, dans le premier, ça se passe sur deux pièces, et dans le second, y a aussi sur deux pièces. Hein. Il y a l'infirmerie et le tableau de bord. L'infirmerie, le truc de télétransportation, téléportation, et la passerelle, quoi. Ouais. Par contre, j'attends beaucoup du nouveau, là, de Saru, parce qu'apparemment, ils vont revenir aux origines de Saru, et là, il va y avoir dans le trailer, on voit un petit peu que ça va se passer sur la planète d'origine de Saru. Et comme c'est un personnage qui est quand même intéressant, moi, je suis quand même impatient de le voir, le troisième. Bon, moi, je suis impatient de le voir, mais je m'attends pas à quelque chose de grandiose non plus. Sûr. Hein. Mais ce sera peut-être mieux que les deux précédents. Ça va être encore un truc bourré de sentiments, genre, on a peur de partir, mais je vois le coup arriver, tu sais. On part quand même parce qu'il faut affronter sa peur. C'est ça. Bon, le quatrième, ce sera sur le personnage d'Harry Mudd. Alors, Harry Mudd, si tu te souviens, il faisait deux épisodes dans Discovery. C'est notamment... Un jour sans fin. Ouais, c'est ça en fait, c'est l'épisode avec la boucle temporelle, et c'est le traître de la série, quoi. Il arrête pas de trahir les éléments d'équipage, notamment cet épisode qui est assez dur où il trouve Tyler, donc il y a ce personnage, je vais le regarder aussi, mais bon, si c'est encore un truc mien, mais voilà quoi, pour ce qu'on disait, puis on en reparlera peut-être à l'occasion d'un prochain podcast, pour faire un complément sur ces deux séries, ou bien peut-être quand on fera notre compte-rendu sur la saison 2 de Discovery, on en reparlera, mais voilà quoi. Pour compléter un peu mes analyses sur les séries, je vais parler un peu rapidement de Daredevil saison 3. Alors moi, Daredevil, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je l'avais découvert dans le magazine Strange, de Stan Lee tout à l'heure. Et ce personnage, il était apparu une première fois dans un téléfilm avec Hulk. où il était habillé de noir, enfin, une espèce de combinaison de ninja un peu ridicule. Et après, on l'avait vu dans le film avec Ben Affleck. Alors moi, j'ai pas trouvé de très bon ce film. Je l'avoue que niveau visuel ou que ce soit l'interprétation de certains personnages, j'ai trouvé ça pas très bon. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur ce film Daredevil. C'était divertissant, mais sans plus. Un film passable, si vous l'avez pas vu, c'est pour la peine de vous précipiter. Ils ont essayé avec Ben Affleck de faire quelque chose de ressemblant, mais bon, moi ça me dérange un peu. C'est la scène où il s'allonge dans son cercueil à la Dracula dans l'eau là. Je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais c'était un peu ridicule. C'est parce qu'en fait il est tellement tellement ouvert au monde extérieur et que ses sens tellement développés qu'il est obligé de dormir dans un caisson d'isolation parce que sinon il peut pas dormir. Pourquoi ? Parce que il y a aussi cette scène qui m'a exaspéré au point possible, c'est cette scène dans le jardin d'enfants où il se bat visage découvert, hein. Il y a même pas le masque, hein, contre Elektra, il commence à bondir sur les murs un peu comme Neo dans Matrix. Ouais, c'est le combat à la Matrix, hein, quasiment, entre Neo et Smith. Et c'est un ridicule, ça n'avait rien à foutre dans un film comme ça. Enfin, c'est pas très bon. Et puis, Netflix s'est décidé à faire une vraie série qui s'inspire en partie de l'œuvre de Frank Miller, qui écrit pas mal, beaucoup de scénarios. Notamment, Miller, on lui doit le personnage d'Elektra. On lui doit aussi la première histoire avec le costume noir, enfin, l'homme sans peur. Donc la première saison, c'était la confrontation entre le Daredevil avec son costume noir et le Kaïd, donc Wilson Fisk. La deuxième, on avait plus de... On avait pris un peu plus comique, c'est-à-dire qu'il y en avait une... C'était divisé en deux parties. On avait une partie qui était avec le Punisher, déjà après qui a donné une série avec John Bertal. Et il y a aussi la partie avec Elektra et tout la main et Stick. Tu connais un peu l'univers de la main et tout ça ? Ça te dit quelque chose ? Je connais que ce que j'en ai vu de Defenders. D'accord. C'est rampe en plan ce truc. Il se passe rien sauf les 5 dernières minutes entre guillemets à chaque épisode. Donc c'est quelque chose que je peux pas regarder moi. Quand il se passe rien pendant des heures et qu'il se passe quelque chose à la fin, c'est pas quelque chose qui m'enchante à regarder. Comme tu l'as rappelé, il y avait aussi Defenders entre deux. Après la saison 2 de Daredevil. Daredevil intégrait le groupe des Defenders dans une série assez molle, hein, du genou. Hein, mais bon, moi je l'ai même pas regardé parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à regarder Iron Fist et Luke Cage. Et puis il y a cette saison 3 qui avait débuté il y a un mois ou deux. Enfin, je sais plus les dates, mais bon, peu importe. On retrouve toujours Charlie Cox, qui est pour moi excellent dans le rôle de Matt Murdock, autant dans le rôle de Matt Murdock que dans celui de Daredevil. Le mec s'implique vraiment physiquement, il s'implique en tant qu'avocat et tout ça. Il a la carrure pour porter le personnage de Matt Murdock. Et face à lui, il retrouve Vincent D'Onofrio, qui est quand même un grand acteur, qui sait tout faire. Et là, il a une fois de plus pris du poids incroyable pour incarner le Kaïd, qui est vraiment le manipulateur, tout ce que tu veux, quoi. Le gars qui va acheter tout le monde, sauf un, c'est Matt Murdock, bien sûr. Et avec tous ces personnages un peu secondaires qui gravitent autour du personnage de Daredevil. Et on retrouve dans cette troisième saison l'incontournable, je veux dire, scène en plan séquence où Daredevil, c'est en l'occurrence, c'est Matt Murdock qui est dans une prison, durant une scène de prison, désingue quasiment tous les prisonniers avec tout ce qu'il y en a, parce que le mec est tellement fort en arts martiaux et avec son sens développé du radar, ce qu'on appelle le radar, il perçoit le moindre des mouvements, un peu comme Spider-Man, tu sais, quand il y a une espèce de... Il sent les mouvements au ralenti des gens. Et c'est ça qui permet un petit peu d'anticiper sur les coups. Et dans l'ensemble, l'intrigue, c'est que le Kaïd passe un marché avec le FBI. Et dans le groupe du FBI, il y a le tireur, donc Bullseye, qu'on avait vu déjà dans le film. Et il se trouve que lui, c'est un gros psychopathe. Il est très fort parce que il y a même un affrontement entre un vrai et un faux Daredevil. J'ai trouvé assez intéressant. Il y a même un clin d'œil au Gladiateur, un personnage que j'aime bien aussi dans le truc de Daredevil. Donc Matt Murdock affronte même un moment le Gladiateur, ce qui renvoie un petit peu aux comics de notre jeunesse. Je parle du Gladiateur, mais je suis pas sûr que tout le monde savent quel méchant que c'est. C'est en fait le méchant avec son casque en acier qui a une espèce de de t-shirt jaune avec des scies circulaires sur les mains. C'est un peu pour vous décrire le personnage. Voilà quoi, donc ce gros clin d'œil qui m'a beaucoup plu. Maintenant, dans l'ensemble de la série, je trouve, j'ai été moins pris que les deux premières saisons. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a un décrochage. J'avais enchaîné tous les 13 épisodes. Et là, il y avait beaucoup d'épisodes de remplissage. Il y avait pas mal d'incohérences, notamment avec le tireur. Moi, je trouve que ça me choque un petit peu que le FBI recrute un mec qui est psychopathe et qui a un dossier de 15 kilomètres avec des antécédents de meurtre. Hein, ça me choque pas. Ils ont bien élu un débile psychopathe à leur présidence, là. Donc, tu vois, c'est techniquement possible. Hein. Peut-être, oui. C'est peut-être un parallèle. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de remplissage. Il y a des scènes de tension. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une scène dans la prison avec une émeute dans la prison qui est vachement bien trouvée. On sent qu'il y a quand même un essoufflement de la série et ça tombe peut-être bien qu'il s'arrête à la troisième saison pour qu'on en garde un bon souvenir. Bon, faut savoir que l'intrigue est inspirée quand même encore une fois de l'œuvre de Frank Miller, c'est-à-dire que c'est Daredevil Renaissance Born Again en anglais, qui est un comics culte pour certains, une œuvre qui est au niveau de la pile dans les récits de Daredevil, à mettre au même rayon que par exemple L'Homme sans peur ou Elektra, hein, carrément. C'est vraiment des récits qu'il faut pas rater, qu'il faut absolument lire. Et voilà quoi pour cette troisième saison que moi j'estime beaucoup plus faible, qui m'a pas apporté complètement satisfaction, même si le jeu d'acteur est toujours aussi bon, mais l'intrigue elle peine, elle traîne. C'est pas mauvais, mais on sent vraiment que il y a plus vraiment d'inspiration, que ils ont un peu usé la corde. Il y a même des redondances dans certaines scènes et je m'étalerai pas parce que de toute façon si je m'étale après je commence à faire quelques spoilers et ce serait très maladroit de ma part. Je vais passer directement à The Gifted parce qu'il y a pas beaucoup à dire. Donc The Gifted, c'est une série qui à la base qui est dérivée des X-Men. Alors c'est plus les X-Men côté Days of Future Past, c'est-à-dire que les X-Men sont vraiment traqués par les humains. Il y a des rebelles, il y a des militants, il y a les services Sentinelles qui n'existent plus dans la deuxième saison. Et j'avais bien aimé la première saison, même malgré ses défauts dans le déroulement de l'histoire. Et dans cette deuxième saison, ça traîne aussi. Ça traîne et on est encore divisé entre quatre parties, c'est-à-dire que on a la famille Strucker, quatre personnages principaux avec les enfants Strucker qui ont des pouvoirs un petit peu qui sont très forts quand ils sont rassemblés à deux. Il y a les rebelles. Donc qui sont composés de Thunderbird et de celui qui balance des éclairs. Enfin, je sais plus son nom. Moi, je ce serait pas Feu de Soleil. Non, c'est pas lui. C'est pas important. Enfin, c'est les rebelles et puis il y a aussi Blink dans Histoire 3. Et moi, je trouvais que c'était quand même exagéré parce que Histoire 3 pour lutter contre tous les humains et puis une espèce d'organisation mafieuse qui s'appelle le Cercle. C'est tout des mutants, un peu la confrérie des mauvais mutants, mais un peu modernisé, tu sais. Et puis, le pire dans cette histoire, c'est l'agent Turner qui pour moi est une caricature mais ultra fasciste du personnage qui était pourtant intéressant dans le premier. Et là, ça tombe complètement à plat. Chaque fois qu'on le voit à l'écran, c'est énervant parce que on sait que dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Et puis, moi, je veux bien qu'on monte un petit peu le côté extrémiste des humains, mais là, c'est vraiment poussé à la caricature, c'est moche. D'accord, c'est le Hux de l'univers Gifted. C'est Eagle, quoi. Et puis voilà, quoi. On se partage, et puis il y a des bien plein d'incohérences, il y a de la redondance d'épisode en épisode. On voit arriver certaines intrigues de très loin. Il y a. Faut pas que je m'étale sur la série, parce que de toute façon, elle est en cours de diffusion, et ceux qui la suivent, ils vont découvrir au fur et à mesure. Mais par contre, c'est sûr que dans l'ensemble. Cette série-là a beaucoup de faiblir et je pense qu'il devra mettre un point final à cette saison parce qu'après, ça va être du n'importe quoi. Déjà, Runaways m'avait posé extrêmement problème parce que c'était aussi des jeunes mutants qui étaient un peu rejetés par leur famille. Mais là, ça devient un peu... Ça rejoint un petit peu Runaways par moment. C'est ça le gros problème. Voilà quoi. On a fait le tour de trois séries. Hein, on peut peut-être passer un petit hommage à celui qui a disparu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire Stan Lee. Est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. L'ami Stan Lee qui nous a quittés il y a 15 jours, je pense. Pour rappeler un peu les faits, c'est que Stan Lee est né en 1922. Et son vrai nom, c'est Stanley Martin Liber. Et il a débuté chez Timely Comics. Alors Timely Comics, c'est le premier nom de Marvel en fait. Il a débuté comme assistant où il apportait le café, il faisait un peu du bricolage dans la maison. Et ensuite, il est vite devenu scénariste. Et il a été nommé très jeune rédacteur en chef en fait, parce que il avait du talent et que apparemment il y avait quand même beaucoup d'imagination le gars. Et voilà quoi. Et sa grande période de faste, ça a été les années 60 avec la création de super-héros qui on va pas se cacher, il y a beaucoup de super-héros qui sont quand même hérités des personnages de DC Comics hein. Mais c'est de bonne guerre parce qu'il y a autant DC Comics qui a pompé Marvel que Marvel qui a pompé DC. Donc c'est un peu ce que j'appellerais une méthode Disney, entre le pompage et l'hommage, on sait jamais avec eux. Ouais, c'est ça, tant que c'est pas le plagiat, qu'on va dire. Voilà quoi, bon, des personnages qui sont quand même cultes, hein. Je veux dire que même sans être un geek, tout le monde sait qui est Spider-Man ou Hulk ou Captain America, quoi. Enfin, Captain America, c'est pas lui qui l'a créé, hein. C'est le seul personnage qui est classique, je veux dire, entre guillemets, qui a pas créé. Hein. Parce que lui, dans les années 60, ça a été quasiment tous les grands personnages, c'est lui, quoi. Je vais citer les 4 Fantastiques, Thor, X-Men, Avengers, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil, Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie, Nick Fury. Je pourrais aller loin comme ça, hein, parce que ça a été vraiment une décennie de créativité, d'imagination. Ce qui était intéressant dans certains de ces personnages, c'est qu'ils étaient vraiment ancrés dans le réalisme. Bon, je pense notamment à Spider-Man, qui, lui, c'est le jeune qui galère pour trouver du taf, et il est obligé de vendre ses propres photos pour survivre. Ou bien les 4 Fantastiques qui commencent aussi des problèmes, ou le Hulk qui est un peu rejeté par la société, ce qui apparaît aussi chez les X-Men, c'est ce rejet de leur différence par l'humanité, hein. C'est ça aussi les X-Men, hein. Il y a aussi le personnage de Black Panther qui était innovateur quelque part, je pense que c'était l'un des premiers super-héros africains dehors des États-Unis. C'est ça. Puis on a aussi des personnages du style Daredevil, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, Doctor Strange qui explore le côté un peu mystique de Marvel. Donc des personnages qui sont un peu différents par leur pouvoir, par leur contexte. Je pense à Iron Man notamment parce que au début Tony Stark c'est pas quelqu'un de très sympathique. Il fait son beurre sur la mort des gens suite à un incident qui l'handicape un peu au niveau de cardiaque. Il se rend compte qu'il pourrait mettre son génie au service de l'humanité quoi finalement. C'est ça un peu le principe. Donc des personnages qui sont pas unissons. Je vais pas dire du mal des personnages d'ici comics, mais ils restent dans leur univers et ils en sortent pas. Et des fois, t'as pas l'impression qu'ils sont ancrés dans le réalisme dans la société quoi. Maintenant, chacun a sa spécificité hein, dans les personnages, que ce soit DC ou que ce soit Marvel. Moi, j'ai un peu plus grandi avec les personnages Marvel parce qu'il y avait les revues Lug. Dans l'ensemble, j'ai une préférence pour Marvel. Mais bon, c'est pour dire aussi que Stan Lee, après, il est devenu un peu le porte-parole de Marvel, notamment à travers les films. Il commençait à faire des apparitions, des petites productions. Il a aussi bossé pour DC, justement, où il a créé la série Just Imagine, où là, il livre un petit peu sa vision personnelle des grands classiques de super-héros comme Superman, Batman, Aquaman et Wonder Woman. Il a scénarisé aussi 2 mangas, qui sont Hero Man et Ultimo. Et voilà quoi. Donc le mec avait quand même plusieurs cordes à son arc. Mais bon, je te laisse un petit peu dire ce que tu penses de Stan Lee en général. Qu'est-ce qui représente un petit peu pour toi, quoi. Bah, Stan Lee, en fait, c'était l'image de marque de Marvel. C'est-à-dire que Marvel, c'était pas vraiment son porte-parole, c'était la représentation de l'image de Marvel, Stan Lee. Il a été pas embauché pour ça, mais il a été mis sur le devant pour ça, pour représenter une image sympatoche de côté Marvel. Apparemment, il était assez sympathique. Jim Parsons en a beaucoup parlé de Stan Lee parce qu'il a eu la chance de le rencontrer. Il disait que, accessoirement, malgré le fait que c'était la personne vieux qui avait rien à prouver à personne, il était quand même humain, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres scénaristes de l'époque. Tu penses à Jack Kirby qui avait une mauvaise réputation d'être un peu dur de mentalité, quoi. On disait que Kirby aussi méprisait ses fans. Et Stan Lee, à un moment, lui a reproché, et on en reviendra plus tard, mais dans The Big Bang Theory, par exemple, c'est quand le caméo de Stan Lee arrive, mais alors, il joue complètement de cette image de vieux con, quoi. C'est-à-dire que il est sympathique à chaque fois qu'on le voit à l'écran. Et hors champ, il est immonde, quoi. Et hors champ, Stan Lee est super sympa. Hein? C'est ce que Jim Parsons disait. Il disait, je m'attendais pas à pouvoir passer un peu de temps avec Stan Lee, et ce monsieur débordait. Mais après, attention, il y a l'image qu'on veut donner de Stan Lee, et après, il y a une image un peu moins glorieuse qu'on a connue de lui aussi, notamment ses passages sur déchéance de drogue, etc., quoi. Ouais, donc tu parlais de... Bon, Stanley, il y a eu des problèmes de santé il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il y a une histoire d'harcèlement, parce qu'en ce moment, c'était aussi les histoires de balance ton porc, tu sais. Ben bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça, mais c'est pas vraiment l'homme que moi je vais saluer, c'est plutôt le créateur, quoi. Parce que sans lui, c'est quand même un faiseur de rêves. D'avoir autant essayé de donner du rêve à des fans, à des gens. Moi je me souviens que dans la jeunesse, quand je lisais ses récits, bon les cases, c'est lui qui dessinait, c'est pas lui qui dessinait, mais quand il créait ses histoires, ben il y avait notamment une histoire de Spider-Man sur la drogue, qui avait été censurée par le Comics Code, qui était quand même une espèce de conseil qui censurait tout ce qui lui plaisait pas, et il fallait parler de rien, il fallait que les BD soient mièvres, et là il a un peu changé la donne de ce côté-là, c'est-à-dire que fallait que les récits soient plus adultes, et que adultes, ouais, comme je dis adultes, c'est se tourner vers l'adolescence, mais il y avait aussi cette volonté aussi d'essayer d'intéresser un autre public plus mature. En fait, il y avait l'envie d'intéresser le public qui était là au début. Parce que le gamin qui lit une BD à 8 ans, 10 ans plus tard, il a 18 ans, faut plus le mettre dans le même sujet. Il faut l'intégrer dans son univers à lui, à 18 ans ou à 16 ans, etc. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Harry Potter, devenu enfantin, très dark. Donc là, en fait, c'était le même truc et il n'a pas voulu céder sur certains points. Il y a un moment, il a dit, attendez, mes lecteurs qu'ils ont découvert, je dis une connerie, hein, Spider-Man, ils avaient 8 ans, maintenant ils en ont 30, ils en ont plus rien à foutre d'un pigiste de 18 ans qui veut faire des photos, quoi. Donc il faut quelque chose de plus mature, comme tu dis, et qui s'ancre dans une continuité qu'il faut quand même appliquer, malgré le fait que ce sont des personnages de BD. Ouais, c'est ça, puis il y a un renouvellement constant, bon, c'est pas lui, mais il est quand même à la base de tous ces personnages, et il y a des dérivés, bon, je pense à Miles Morales dans Spider-Man, ou dans Iron Man, maintenant, il y a Riri Williams qui reprend le lambeau, Amadeus Wong, je sais plus son nom, qui remplace le Dr. Banner, mais il y a toujours une évolution chez Marvel qu'on voit que dans les bandes dessinées, même si des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de revival aussi, ou bien les crossovers, les gros crossovers aussi, sans ces personnages, il n'y aurait pas eu de tous ces films et tous ces séries qu'il y a maintenant. C'est vrai que pendant un moment, Marvel était quand même en danger, c'est-à-dire que ils étaient près de la faillite, et bon, lui, il a fallu qu'il se bouge un petit peu pour essayer de trouver un repreneur, quoi. Sinon, c'est vrai que ils étaient pris à la gorge et ça allait crouler parce que les ventes de comics ont croulé. Ils ont essayé de relancer le truc avec la série Ultimate. Bon, ça a marché moyen, mais après, avec le rachat, avec la possibilité de faire des films et de faire des trucs moins kitsch, parce qu'il faut quand même avouer que entre dans les années, la fin des années 70 et le début des années 90, il y avait beaucoup de trucs qui étaient assez kitsch. Alors, je parle aussi des Hulk et des Spider-Man, qui étaient pas non plus super extraordinaires, mais il y a des trucs pires, hein, quoi. C'est ça le truc. L'introuvable 4 fantastique. Ouais. Même le Captain America avec son bouclier transparent en plastique. C'était super moche, quoi. C'était vraiment ringard, quoi. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Alors que de l'autre côté, DC Comics, ben, eux, ils ont mis les moyens. Ils ont fait Superman avec Christopher Reeve, qui était quand même assez épique. Et puis en 89, ils ont même fait un Batman avec Michael Keaton, qui était super intéressant. Et Marvel, lui, n'a pas attendu. Ils ont fait une adaptation vraiment avec un des budgets. C'était Howard le canard. Au cinéma. Donc c'était pas non plus le personnage qu'il fallait prendre en premier pour dire regarde, c'est la première adaptation Marvel au cinéma, c'est Howard le canard. Alors quand tu dis ça à quelqu'un, il va forcément te regarder de travers. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Superman et Batman, bon, ils étaient déjà en Access Prime Time. Ouais. Donc évidemment, les gens les connaissaient, il y avait un point de repère. Les X-Men, c'était que dans les séries jeunesse ou dans les chaînes de Fox Kids. Forcément, c'était plus confidentiel. Oui. Donc c'est vrai qu'en faisant tourner le Iron Man le premier, qui a vraiment pour moi lancé le MCU, c'est ça. C'était une prise de risque colossale. Ouais, c'était en 2008, hein. Ça remonte à 10 ans quand même, hein, le MCU. Et puis, c'est vrai que... quand on parle du MCU, on parle nécessairement de tous les caméos qu'il a fait. Hein. Je pense que je vais te laisser parler de tes caméos préférés, que ce soit dans les films, dans les séries, ou ses apparitions un peu extérieures. Quoi. Moi, mes caméos préférés, je pense que sur le premier que j'ai préféré, adoré, celui des Gardiens de la Galaxie. C'est ton top. Ouais, c'est dans mon top, ouais. Celui-là. C'est quand il parle avec les gardiens, les Watchers, là. C'est fantastique quand il parle avec les gardiens. Et puis, qui c'est qui va me ramener chez moi? C'est vrai, c'était un jeu d'acteur et il était marrant dedans, quoi. C'était à la fois attendrissant et à la fois marrant. Moi, j'ai bien aimé parce que je lisais beaucoup les récits de Uatu, c'est Uatu qui s'appelle le Uatu le gardien. Uatu qui lui est sur la lune et qui observe un peu les dimensions parallèles, parce que il y a beaucoup de what if, hein, dans l'univers Marvel, et c'est un peu lui qui raconte les what if, ce qu'on appelle les réalités alternatives. Pour un exemple, par exemple, de dire et si Spider-Man avait rattrapé par exemple le cambrioleur qui avait tué son oncle, et en fait il serait devenu une vedette du showbiz, mais avec une conséquence assez dramatique toujours à la fin avec. Et il y avait cette, là je parle plus du Watcher que de Stan Lee, mais bon, c'est pas grave, mais on est dans le truc, mais c'était toujours et je suis le gardien, mais il y avait une espèce de fatalité dans le récit que j'aimais bien. C'est pour ça que j'ai été content de retrouver les gardiens dans, et puis il y a le truc méta, c'est que les gardiens sont là pour regarder les différentes versions alternatives. En face d'eux, ils ont le créateur justement de ces personnages. C'est totalement méta, on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. Je trouvais que c'était très très fort de la part de Gunn d'avoir inclus ces personnages-là. En plus, ils apparaissent deux fois dans le film, hein, les gardiens. Pendant le voyage de l'équipe qui passe en hyperespace, en je sais plus comment ça s'appelle ce saut spatial, là, mais vitesse sporique. Non, en fait. Qui sont déformés, bon, ça fait très cartoon. Et puis une des scènes post-génériques, en fait, où on voit vraiment les aspirations des Watchers, et ils se barrent parce qu'ils en ont marre qu'ils racontent sa vie, quoi. C'est totalement ça. Et ouais, t'as raison, moi je pense que c'est mon premier aussi dans mon top 1. Alors on passe au top 2. Moi dans mon deuxième, c'est avec Thor Ragnarok. Parce que là c'était un Stan Lee marrant et déjanté, puis j'aimais bien, puis c'était une scène, ça changeait un peu du caméo, c'était vraiment une scène cette fois-ci, où il coupe les cheveux à Thor et puis t'as Thor qui se met à chialer, quoi. Oui, c'était... comme un gamin, ouais. C'était marrant, c'est parce que le contexte était marrant, et puis j'aime bien voir Stan Lee avec une tête de sadique et de pervers, là c'était quand même assez marrant de le voir comme ça, plutôt que des rôles un peu plus juste je suis Stan Lee, puis c'est tout, quoi. Là c'était vraiment en plus un rôle, et je trouvais ça bien dans Thor Ragnarok. En fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est que il y a vraiment, ils ont vraiment créé un personnage pour lui. C'est pas comme dans les autres caméos où il passe dans la rue, il salue le mec, ou il est en train de lire le journal, ou je sais pas quoi. C'est vrai que ces caméos, moi je les trouve pas terribles. Quand il lui donne un petit rôle comme ça, c'est vrai que c'est plus sympathique. Ça met en valeur plus le personnage. Et Thor Ragnarok, je l'aime bien, mais il fait pas partie de mon top 2. Parce que mon top 2, je vais le dire, c'est son caméo en duo avec celui de Lou Ferrigno dans le Hulk de 2003 de Ang Lee. Alors cette scène, je vous la raconte un petit peu, c'est que il y a Banner qui se rend au labo en fait pour faire des tests. En sortant, on voit justement Lou Ferrigno habillé en garde des sécurités qui discute avec Stan Lee, et puis ils font tous les deux un signe sympathique à Banner qui est incarné par Eric Bana dans ce film-là. Hein. C'est pas celui avec Edward Norton. Hein. Donc c'est un film hors MCU, celui-là. Voilà, quoi. Moi je trouve que c'était sympathique. Il y avait double caméo, il y avait encore un esprit méta, parce que bon, Lou Ferrigno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était quand même Hulk, c'est celui qui arrache sa chemise dans la série télévisée. Et puis voilà, que je trouve que c'était sympathique, donc c'est mon top 2. Et ton top 3 alors? Après, le dernier, c'est pour moi dans The Big Bang Theory. Là, c'est Stan Lee qui joue Stan Lee, donc c'était assez marrant parce que il joue quelqu'un qui dit un peu ce qu'il disait à ses fans à chaque fois. C'est pas parce que vous êtes des fans que vous avez le droit de rentrer chez les gens comme ça. Et puis que l'autre qui comprend pas le second degré, Sheldon, qui dit cool, je peux rentrer, puis qui rentre. Puis c'était assez marrant de voir Stan Lee qui jouait Stan Lee pas content et un peu grincheux. Et ça changeait un petit peu. Puis j'étais content de retrouver Stan Lee un peu dans un autre univers que le MCU. Bon, ça reste quand même des trucs de geek, hein, The Big Bang Theory. Mais moi, je trouvais ça rafraîchissant de voir Stan Lee un peu. En Stan Lee. J'ai pas vu ce caméo, mais j'avais regardé la vidéo, tu sais, avec la compilation, et je l'ai pas vu ça en fait. Et en fait, la compilation elle rassemble en fait ses rapports directs avec l'univers Marvel. Ouais, l'univers Marvel. C'est-à-dire que même dans cette vidéo, t'as même une apparition dans les séries animées à Spider-Man. Il y a carrément une scène où Spider-Man lui parle et ils voltigent entre les tours avec Stan Lee. C'est sympa, hein, cette espèce de référence. C'est le créateur qui, avec sa création, qui se balade dans New York. Vraiment sympa. Moi, mon top 3, j'étais un peu plus léger. Je vais dire que j'ai bien aimé son apparition dans Deadpool. Ça dure 3 secondes. Ça dure 3 secondes, cette scène. Puis dans un contexte totalement différent, c'est vraiment le vieux Didier dans un club de strip, c'est ça? Exactement. Ouais. Et il commence à faire sa, à faire son DJ là, le ouais, espèce de David Guetta, tu sais. Ça fait le kéké de 80 ans qui joue au DJ. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez amusant et pour moi, bah c'est sur cette image que j'ai envie de le garder quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce cameo de Deadpool? Bon, il est rafraîchissant, ouais. Ça permet de... Enfin, c'est dur de désamorcer, parce qu'il n'y a pas d'amorce dans Deadpool, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de tension. Ouais. Mais ouais, le voir là, c'est marrant. Voir Stanley dans un club de strip, c'est marrant. Bah là, de toute façon, on va certainement le voir. Apparemment, il aurait fait ses caméos pour Avengers 4, Spider-Man 2. Et Captain Marvel aussi. C'est ça. Donc, il reste trois films, et puis les caméos aussi, il les a fait aussi dans les séries. Hein. Il y a eu Agent of S.H.I.E.L.D., il y a eu Runaways aussi, il y a un caméo dans Runaways, il y a un caméo dans Defenders. Et encore une fois, voilà, Stan Lee, c'est l'image du groupe Marvel. Donc, c'est un peu, c'était complètement obligatoire pour lui d'aller faire des caméos. Après, je pense qu'il devait bien s'en amuser aussi. Oui, hein, oui. Mais voilà, dès qu'on a une œuvre Marvel, on a du Stan Lee. Mais c'est vrai que c'était un peu une espèce de commercial, hein, finalement, cette image de... Bah, comme ça fait penser au KFC. Tu peux pas enlever l'image du Captain Kentucky de l'image du KFC. Ouais. Bah là, tu peux pas enlever l'image de Stan Lee, l'univers Marvel. Ouais, peut-être qu'il devrait rajouter la tronche à Stan Lee sur les prochains logos Marvel pour lui rendre hommage. Mais comme tu dis, bon, il y avait cet aspect un peu... bon, je dirais porte-parole, mais plutôt porte-drapeau, on va dire. Parce que... Une égérie, hein. Enfin, c'est dur à dire pour un homme. Ah, mais... égérie, non, parce que c'est pas non plus un... Si, c'est indissociable de l'image de Marvel. Ouais. Marvel, Stan Lee. Stan Lee, Marvel. On est d'accord. Mais maintenant, le MCU, c'est plus le producteur, quoi. C'est plus Kevin Feige, quoi, tu vois. C'est plus lui, je vais dire, le... Je vois pas sa tête à lui. Bah, c'est un mec qui met tout le temps une casquette. Tandis que Stan Lee, je vois sa tête. Ouais, mais Kevin Feige, maintenant, tous les geeks le reconnaissent. Ils disent, c'est lui qui chapeaute tous les films MCU, c'est lui qui est en charge de toutes les productions, c'est lui qui fait tout le boulot. Et Stan Lee, maintenant il a un peu abandonné cette production dans les années 80 quand ça a commencé un peu à se mettre en route. De toute façon, il fallait qu'il passe le relais aussi quelque part, parce que maintenant il y a Kevin Feige, ben c'est aussi un financier quelque part, hein. Il est là pour engranger des milliards, des beaux oufs comme on dit, et voilà quoi. Mais on l'oubliera pas, hein. Il restera dans la mémoire collective, déjà à travers ces personnages qui sont quand même immortels. Il a laissé une trace immense parmi que ce soit les geeks et les fans. Et c'est vrai que sans lui, il n'y aurait pas eu tout ça. Comme je crois que je me répète, mais je le redis une fois, c'est une figure, quoi. C'est comme tu dis, bah tu l'as dit bien toi-même, c'est que il y a un dissociable de Marvel et c'est aussi un créateur de monde et de rêve, quoi, finalement. Quoi? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Je comptais sur vous pour me ramener à la maison. Sinon, comment je vais faire? Mais attendez, j'ai pas fini. J'ai encore plein d'histoires à raconter. Allez, revenez. Oh, c'est pas vrai. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.